30 ans. Joyeux anniversaire. Une nouvelle heure, une nouvelle année. Et nous sommes en 2011. Logique, après 2010, c'est 2011. Dans quelques instants, deux heures d'Académie Fadjet, nous allons jouer ensemble, comme au bon vieux temps, il y a une bonne dizaine d'années. Il va falloir se rappeler, on va chanter, on va faire plein de choses pendant deux heures. Mais avant tout, comme le veut la tradition, que se passait-il en 2011? Alors en 2011, c'est une année chargée. Il y a eu notamment le 14 mai 2011, le démarrage d'une affaire qui allait effectivement prendre un certain temps, et on allait en parler pendant de très nombreuses années. C'est l'affaire DSK qui débutait. L'ex-patron du FMI est arrêté à l'aéroport de New York. Nous savons tous les événements qui ont suivi. Il y a eu aussi cette année-là, en 2011, un événement un peu dramatique. Le 11 août 2011, le Japon qui était frappé par un terrible tremblement de terre, magnitude 9. Un tsunami qui va s'en suivre, avec notamment un bilan dramatique. Et quelques temps après, eh bien, les fameux centrales nucléaires de Fukushima qui, effectivement, avaient aussi de graves problèmes. Pour être un peu plus détendu, le 19 octobre 2011, c'était une naissance. C'était la naissance de Julia, une petite fille qui allait naître dans le couple présidentiel entre Carla Bruni, Sarkozy, voilà, qui est née donc le 19 octobre. Et également, pour rester proche de nous et faire un rappel de ce qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, c'est le 15 de France de Marc Libremont qui était battu de justesse par les All Blacks lors de l'avant-dernière Coupe du Monde de rugby. La France s'en est pas trop bien remise, puisque cette année, c'était pas terrible. Les All Blacks, ils étaient toujours là, puisqu'ils ont bien sûr doublé la mise il y a quelques semaines de cela. Voilà les événements que l'on pouvait dire sur cette année 2011. En 2011, eh bien, elle est née aussi en 2011. C'est une petite fille qui est là, qui est née en 2011. Comment elle s'appelle, la petite fille ? Gaëtan. Eh bien, Gaëtan est né en 2011. Voici aussi un événement. C'était prévu. Elle est née aussi en 2011. Voilà. Donc, il n'y a pas eu que Julia. Il y a eu plein d'autres bébés qui sont nés en 2011. Mais on en a un exemple ici avec nous sur Fadjet pour fêter les 30 ans. En 2011 également, il y avait une chanson Adèle avec Someone Like You. Cette chanson d'Adèle qui, en plus, dans l'actualité, puisque vous savez tous que Adèle, enfin, je pense que vous n'avez pas pu rater le retour d'Adèle au premier plan avec sa chanson Hello, It's Me, en plus. C'est comme ça qu'elle dit Hello, It's Me. Elle, on va dire qu'elle démarrait sa carrière. Elle avait déjà un petit peu commencé un peu avant, mais c'est vraiment le premier gros carton d'Adèle, Someone Like You, que je vous propose d'écouter tout de suite dans les 30 heures de Monde Solidaire. Il est 11h, presque 11h05. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I beg, I'll remember. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts and stays. You know how the time flies, only yesterday was the time. Surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone. Mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Adèle, Someone Like You sur Fadjet à 11h passé de 9 minutes, 30 ans, 30 heures, on est en 2011 et la personnalité de Fadjet, ça fait très longtemps que Paul Renard est avec nous et ça fait très longtemps, il va nous expliquer tout cela, il était presque là au démarrage hein, et donc il a été interviewé il y a quelques jours au sujet de ses 30 ans. Fadjet. Bonjour Paul Renard, vous êtes l'un des plus anciens bénévoles de Fadjet. Vous êtes arrivé quand et comment à Fadjet? Alors en fait, dire bénévole à Fadjet, c'est beaucoup dire. Mais enfin bon, je suis arrivé il y a 30 ans, tout au début, quand le studio était encore dans la chambre de Guy Lescane. D'accord. Hein, parce que Guy Lescane est un copain, donc, et puis que j'étais dans les aumôneries de lycée aussi, mais plus, moi c'était plutôt les aumôneries de classique. Mais enfin voilà, donc j'ai vu naître Fadjet petit à petit comme ça, quittant la piole de Guy Lescane pour aller dans une autre pièce où il y avait plein de coquilles d'emballages d'œufs là, pour essayer d'insonoriser un tout petit peu. Voilà, et c'est tout, mais j'étais plus regardant qu'autre chose. Oui, mais un regard de plus de 30 ans, ça fait quand même une bonne expérience. Ah ben, c'est-à-dire que j'ai vu, oui, un petit peu, mais enfin, je n'ai jamais été très, très actif. Alors, il a fallu attendre un bon bout de temps pour qu'on me demande de faire... Alors, je venais quelques fois quand même, quand ça a déménagé je ne sais plus combien, là, rue Charles III. Mm-hmm. Donc, je venais quelques fois le dimanche faire des permanences, là. Ah, pour parole de l'accueil, quoi. Ah oui. Plus de l'accueil. Après ça, Paroles d'Outre-Mur, j'ai fait un tout petit peu, mais c'était après le déménagement, quand on est déjà arrivé ici. Et puis, on m'avait demandé de faire une petite chronique qui passait le dimanche. Trois minutes, quoi, grosso modo. Et c'est Emmanuel Leroux qui a pris ma succession. Ben, je m'en rappelle parce que j'ai fouillé dans le grenier et j'ai retrouvé un tas de cassettes complètes, les chroniques de Paul. Alors, c'était tout bien enregistré, tout bien fait, tout bien noté. On voit que c'était sérieux quand même. Ah ben je trouve, oui, il faut être un peu sérieux quand même, pour deux raisons. D'une part, parce que bon, on aime bien les choses bien faites et puis qu'il y a quand même un respect de ceux qui écoutent. Hein. Alors à l'époque, il y avait peut-être moins de monde qui écoutait, mais enfin, il y avait quand même déjà un petit peu de monde. Et puis alors, effectivement, je suis venu quelques fois pour Paroles d'Outre-Mur. D'accord. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi un moment dans la vie de Fadjet où vous étiez dans les instances directrices. Ben, c'est-à-dire que j'ai intégré le CA, je ne sais plus trop quand. Ben, c'est-à-dire que comme il y a eu deux fois de suite des prêtres qui étaient présidents ici, hein, Jean-Marie Amiot et puis Daniel Baron. Et c'est donc une fois qu'ils n'y ont plus été, que comme dans les statuts, il était dit qu'il y avait un représentant de l'évêque. Et bon, à l'époque, j'étais au conseil de l'évêque, etc. Donc on a dit, qui on envoie? Et puis ils m'ont dit, écoute, tu connais, donc tu y vas. Et ben voilà. Il y a de ça, je ne sais plus, une vingtaine d'années peut-être bien. Ah oui, donc c'est vrai que c'est une histoire qui dure quand même tout ça. Alors pour parler de Fadjet un petit peu plus précisément, si vous deviez comparer Fadjet ou décrire Fadjet en un seul mot, ce serait quel mot ? Accueil. Accueil. Oui, parce que je pense que la maison, elle a été voulue pour ça, de toute façon. Pour accueillir, pas forcément. On pouvait être accueilli sans même monter les escaliers et venir faire une émission. Et puis, je pense que au niveau de la technique même, etc., enfin, il y a eu toujours ce souci de dire qu'il faut que les jeunes, même s'ils ne sont pas extra au niveau élocution ou au niveau idée ou quoi, peu importe, il faut qu'ils arrivent à trouver leur petite place. Et je me souviens de, comme ça, Marie-Claude Vivier me disant, mais il y a une fille, elle a 5 minutes d'antenne, c'est à peine audible, mais elle est tellement contente de le faire. Et ça me semble vraiment l'essentiel. Eh bien, je suis d'accord. Et je pense que c'est vraiment le but de Fadjet à la base, en tout cas. Est-ce que vous pensiez que Fadjet aurait un jour 30 ans ? Eh bien, à vrai dire, pas forcément, non. D'autant plus que, au niveau financier, c'est toujours un peu sur la corde raide. Donc, je me disais peut-être bien qu'un jour, ça va capoter. Mais finalement, je vois que ceux qui ont le plus de responsabilités, la directrice, le président, le secrétaire général, ils se débrouillent tellement bien que finalement, financièrement, ça tient à peu près le coup et que ça permet de durer. Et ben voilà, on va espérer qu'on pourra faire encore une trentaine d'années. Ah ben, j'espère. Enfin, moi, je ne serai pas là pour les voir. C'est même pas sûr. Encore quelques jours, quand même. Mais je verrai encore peut-être quelques années, oui, avec plaisir. Eh bien, on espère bien. Merci beaucoup, Paul, de nous avoir parlé voilà. De Fadjet. Ben non, c'est avec plaisir. Voilà. Alors, bon 30 ans à Fadjet. Merci. Et bon 100 ans, alors. Oui, dans 70 ans, on y sera. Voilà. C'est plus qu'une radio. Voilà, c'était l'interview de Paul Renard à l'occasion des 30 ans de Fadjet. Et là, on retrouve Benoît qui a encore plein de choses à nous dire avant le retour de l'Académie. Oui, on est toujours en 2011 et on continue toujours de détailler la grille des programmes, de tout ce qui se passe sur Fadjet, les émissions. Et notamment, là, on va écouter une émission qui est... Alors là, je ne sais pas, mais elle date... Elle date de quelques années. Alors, je ne sais pas si Swan, qui est là, pourrait me dire le rayon de la citrouille. Alors, ça fait. C'est assez particulier parce qu'en fait, c'était divisé. C'était une tranche d'une autre émission. C'était pour ça que ça s'appelait le rayon de la citrouille, parce qu'il y avait le quart d'heure cosmique. Oui. Donc voilà. Et ensuite, il a refait l'émission depuis peu, d'ailleurs. Mais ça date bien d'une dizaine d'années, ça. Hein. Facile. Oui. Ah, oui. Mais il a arrêté pour des raisons professionnelles. Et maintenant, il le refait une fois par mois depuis 2011. Ouais, c'est ça. Eh bien, on écoute donc la bande-annonce sur Fadjet du rayon de la citrouille. Allô ? c'est moi. Mais non, c'est pas possible. Allô, Stéphanie ? Avec ta Stéphanie, c'est moi, Dr. X. N'oublie pas ce que tu vas faire lorsque je prononce Mindcrime. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Lionel, c'est le rayon de la citrouille pour la dernière de l'année 2010. C'était donc Lionel pour le rayon de la citrouille. Allez, encore une petite minute et on retrouve l'ambiance des années 2000 avec l'Académie Fadjet, avec un interview star. Et il y en a du monde qui est passé à Fadjet. Hein, parce que si on veut ressortir les vieux dossiers, on a eu aussi les tout débuts. Au tout début, on a eu Zazie qui avait été interviewée sur Fadjet dans le Bossa Nova à l'époque de TME. Alors là, on ressortait les dossiers. Hein, on est dans les années 90. Hein, c'est pas Mickaël qui me dira le contraire là, tout à l'heure. Voilà, il y avait plein de choses. On a interviewé des Anglais aussi, des groupes anglais qui passaient comme ça à Nancy. Et il y a du beau monde. Et nous, ici, à ce moment, on a entendu quoi ? C'est Renaud qu'on a entendu dans la matinale, il me semble. Hein, il y a eu Renaud. Il y a eu Renaud aussi, vraiment. Et là, bah, il y avait Stromae. Et bah, je m'en rappelais plus. Depuis 1985, un lieu unique d'accueil, d'écoute et d'expression pour et avec des jeunes. Ils sont tous passés au micro de Fadjet. De l'abbé Pierre à Antoine Decaune, de Jean d'Ormesson à Lilian de The Voice, ils sont le symbole de la diversité des programmes de Fadjet. Tout de suite, un morceau choisi juste pour vous. On a découvert par exemple en 2011 que le rituel de Stromae avant chaque concert, c'était ça. Le rituel, c'est de faire des petits sauts. Ça, c'est le rituel juste avant de monter sur scène. Je rebondis, je saute très haut. J'essaie de coller mes jambes jusqu'à ma poitrine comme un échauffement, je sais pas, de footballeur ou je sais pas, de basketteur. Et là, c'est la crampe. J'essaie de faire des sauts. Et ça, j'ai encore jamais eu, mais j'espère ne jamais l'avoir. Ouais, c'est tout ce que je fais. On n'a pas résisté également à l'envie de lui demander pourquoi les Belges disent 90. Alors, qui a décidé un jour, parce que de manière objective, je pense que c'est plus logique de dire 90 et 70. Et les Suisses sont les plus logiques puisqu'ils disent 80. Pourquoi est-ce qu'un jour vous avez décidé de dire 90 et 70 ? Ça, c'est qui a inventé ça un jour ? Voilà, point. Ah voilà, donc ça, c'est déjà... J'adore. C'est, donc, je vous demande une petite pause. Pendant 10 minutes, on va disserter là-dessus, on ramasse les copies. Ah, on peut pas. C'est logique parce que c'est 60 plus 10. Oui. D'accord. Non, mais moi j'aime bien 70. Je sais pas pourquoi on le fait pas. Bah oui. Et bien... pensez aux étrangers qui essaient d'apprendre le français, c'est galère. Hein, purée. Donc oui. Alors quand on fêtera nos 70 ans à Fadjet, hein, donc on y arrivera, hein, bien sûr, puisque. Voilà. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Hein. On a fait les 30 plus. On dit souvent que c'est souvent le début qui est difficile. Donc on a fait 30 ans. Après, maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler. Hein. Non ? Oui, c'est sûr. Dans le contexte actuel, on n'est plus à ça près. Ça fait des années que c'est compliqué. Autant être dans le dur à long terme. Hein. C'est long, c'est dur. Et c'est bon. Et c'est bon. C'est la première fois qu'il est difficile. Hein. Donc après, vous avez compris, le ton est donné, il est 11h19. Et j'aurais envie de dire que... J'aurais juste envie de dire que... Générique. On y va, hein, allons-y, l'Académie Fadjet. C'est pour parti. Les 30 ans de Fadjet, attention, voici le grand retour de l'Académie Fadjet. C'est votre dernier mot. Rien ne vous échappera. Vous allez décider. C'est votre dernier mot. On a bon Académie Fadjet, quand la musique des mots envahit vos oreilles. L'Académie Fadjet revient avec aujourd'hui Francis qui est le vainqueur de la première édition. C'était en 2001. Francis, bonsoir. Bonjour. Salut Benoît, salut tout le monde. Bonjour les auditeurs. Attention, vous avez à votre table celui qui a gagné la coupe de la première année de l'Académie Fadjet. Ça va être terrible. À ses côtés, Béatrice. Béatrice, c'est une fidèle auditrice. Bonjour Béatrice. Bonjour tout le monde. Juste à côté d'elle, eh bien c'est Swan, qu'on ne présente plus, l'animateur des mercredis soirs de Bienvenue chez Swan, 20h, 21h. Exactement. De l'autre côté de la table, nous avons Michael. Bonjour Michael. Bonjour Benoît, bonjour à tous. À qui j'ai donné envie de faire de la radio et maintenant ils l'ont fait comme professionnel, hein, c'est ça hein. Non, plus maintenant. Malheureusement, ça a changé, mais bon, c'est pas grave. Bon. J'ai toujours plaisir à faire de la radio. Bien, à ses côtés, lui on ne le présente plus non plus. Il a repris, pas depuis très longtemps, hein. Si ? Oui, enfin, j'ai toujours été là, en fait. Oui, mais un prodisiaque, un procession. On n'arrive pas à s'en débarrasser, en fait. Un procession, non, mais ça s'est pas arrêté, vraiment. C'est un petit... plus qu'une fois par mois, mais ça a toujours été là. Voilà. Donc il est là tous les... C'est quoi ? C'est les mercredis aussi, hein ? Non, jeudi. C'est les jeudis soir. Jeudi soir. Ouais. Jeudi soir, 20h, 21h. C'est ça. Et à côté de lui, on a François. Bonjour, François. Bonjour à tous. Moi, je suis de passage. Je profite des 30 heures de Fadjet pour venir voir ce qui se passe. Eh bien, visitez votre studio. Eh bien, bienvenue à toi, François. Voilà, l'équipe est là. Nous allons donc passer jusqu'à 13h, presque 1h45 ensemble, pour jouer comme on le faisait à la bonne époque. Alors, vous savez que l'Académie, on joue, on pose des questions. Il y avait, à un moment donné, elle est arrivée, elle a remplacé Delphine. C'est Sue Ellen qui était un peu l'arbitre. Et donc, nous avons retrouvé notre arbitre qui, en même temps, eh bien, nous rappellera les bonnes heures d'une émission qui va fêter dans un mois ses 28 ans. C'est le Hot 40. Bonjour Sue Ellen. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Oui, Sue Ellen qui s'est occupée pendant très longtemps du Hot 40 et donc qui s'occupait aussi de compter les points. Elle est là aussi pour poser les questions avec moi et pas que, puisque Sue Ellen va donner la réponse à une question qui a été posée dans Destination Série, oui, concernant Smallville. Alors, tu peux répéter la question parce que je n'ai pas écouté, s'il te plaît. Alors, en 2010, une info était tombée comme quoi il y aurait peut-être une 11e saison de Smallville, mais c'était en point d'interrogation en 2010. C'était des bruits de couloir. Donc, est-ce que la saison 11 a eu lieu ou pas ? Alors, je ne sais pas si elle a vraiment eu lieu, mais sur la toile, on peut voir que la saison 11 sortira, mais ça sera en ligne et ce sera des comics. Voilà, donc ça se passera à partir de 6 mois après qu'une fois que la série s'est arrêtée. 6 mois après, voilà qu'il a eu sa cape. Donc on peut le dire, 10 saisons, 218 épisodes, ah oui. Et la saison 11 sera en bande dessinée, mais pas en live. Ça fait combien de temps que tu fais Destination série, ça fait 14 ans. D'accord, et tu savais même pas ça. C'est-à-dire que Smallville, j'ai jamais été vraiment attiré par cette série. Bah, c'est pas mieux, moi j'avais dit qu'il y en avait 12. Hein. Donc moi j'étais encore au-delà, hein, mais ça va peut-être revenir. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye de former une équipe comme une équipe de football. Comme ça, chacun pallie les manques des autres membres de l'équipe. On comble les trous, en fait, comme ça. Merci. Allez, on va commencer dans le vif du sujet. Vous savez que dans l'Académie Fadjet, on chante. Alors, on chantera aussi tout à l'heure vers 11h50, vers 12h50. Et on chantera une chanson hommage. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette chanson-là. Elle coule de source. Nous chanterons, pour terminer l'émission, la chanson de Marc Lavoine, Paris. Une chanson qui date de 1991. Une très, très belle chanson avec de très, très belles paroles. Et je trouve que c'était la chanson qu'il fallait choisir cette semaine. Avant cela, nous saurons qui a gagné la timbale. Elle est là. C'est une petite boîte rouge avec une étoile, rouge bien sûr, pour Fadjet et cette étoile qui brille dans nos cœurs et dans nos yeux depuis de longues heures et qui continuera de briller pendant de longues années. Alors je vous dis, il n'y a pas un lingot d'or, hein, c'est juste des bonbons qu'il y a dedans, c'est pour le symbole. Mais qui va remporter cette boîte, nous le saurons donc un peu avant 13h. Et en voyant la boîte, je me permets d'avoir une pensée pour Delphine. Oui, c'est vrai. Elle y a participé. Elle a participé, c'est ça. On l'embrasse si elle nous écoute. Voilà, donc, on va commencer. Un petit jingle avant, peut-être. Un petit jingle, si pour ouvrir. Allons-y. L'Académie Fadjet, quand la musique des mots envahit vos oreilles. Quand il y a une Académie Fadjet, il y a forcément des équipes. Alors, on a formé donc deux équipes. Il va falloir que je vous trouve des noms d'équipes. Hein. C'est déjà la première tâche que vous avez. Donc, nous avons d'un côté Francis, Béatrice et Swan. Donc, ils vont former une équipe. Et de l'autre, Michael, Steve et François qui vont former l'autre équipe. Donc, nous allons jouer en équipe jusqu'environ eh bien, 12h15, 12h20, 12h25. Et puis, l'équipe après, qui aura donc eu le plus de points, eh bien, c'est l'équipe qui jouera pour gagner la timbale. Donc, un de vous six partira tout à l'heure avec la timbale de cette académie et sera le trentenaire, le gagnant de notre jeu que l'on a appelé évidemment pour la cause, le trentenaire. Quatre types de questions. Des questions sur le Hot 40, sur la musique en règle générale. Voilà. Non, on va pas vous demander qui est 25e, qui est. Parce que là, ça serait peut-être un peu difficile. Des questions sur le quotidien. Alors, un petite question de voilà, un petit peu sur l'actualité, un petit peu amusante. Et puis aussi des questions, bien sûr, sur Fadjet, sur les émissions, et aussi sur des questions plus ou moins de 30 ans, sur des événements. Est-ce que vous arrivez à les situer? Voilà, quatre types de questions. On commence tout de suite, et je vais donner la parole à Laurent. Laurent qui va débuter. On commence avec donc, l'équipe de honneur à l'équipe où il y a une dame, deux même, puisque vous êtes quatre en fait. Il y a aussi Gwenaëlle qui est là. Non. Gaëtan, c'est pourtant Gwenaëlle. Donc Gwenaëlle, c'est voilà, c'est Gwenaëlle, c'est. C'est Gwendoline, mais pardon. Gaëtan qui est né en 2011. Benoît voilà, qui est né en. Oui. Mais c'est... Reprends tes esprits, Benoît. Je reprends mes esprits. Et donc voilà, donc honneur aux dames, avec une question, plus ou moins de 30 ans pour l'équipe, et c'est Laurent qui pose la question. Alors la première question, si j'ai bien compris, c'est en quelle année a eu lieu la libération de Jean-Paul Kaufmann, prisonnier au Liban? Voilà, est-ce que c'était il y a plus ou il y a moins de 30 ans? Je suis bien content que ce soit pas nous. Oui, exactement, parce qu'on est moins. Alors, donc Béatrice nous dit moins de 30 ans. Je donne la réponse ? Ah bah oui. Alors, elle a eu lieu le 4 mai 1988. Donc, c'est. 80... Oui, c'est ça. C'est bien. Oui, bravo, un point. Un point pour l'équipe. Allez, on continue avec une question haute 40 pour l'équipe. Et les noms d'équipe, hein, vous choisissez un nom d'équipe hein, en même temps pour pas. Voilà, entre temps. C'est bon, on a nous. Oui. Les vainqueurs. Les vainqueurs. Ils ont marqué le premier point. Donc nous avons les vainqueurs. D'accord, les vainqueurs. On l'arrête là. Alors. On vous propose un nom d'équipe, les gars. Les perdants. Ah oui, non, ça vous pas. Non, bon. MSF. Voilà. MSF. Ah bah oui, MSF. C'est pas une maladie, c'est le nom de notre médecin. Ah oui, mais c'est pas Thierry, là. Mais que ce soit bien François. Hein, MSF, c'est Médecins sans frontières. Médecins sans frontières aussi. Ah oui. Alors que son prénom, c'est Thierry. Mais son second prénom, alors voilà. MST, sinon. Oh là là. Ah bon, bah là, par contre, c'est une malade. L'équipe de la Gaudriole, là. Alors, c'est une question un peu difficile. On accepte deux réponses. Deux réponses sont acceptées parce que là, bon, voilà. D'accord. Alors on va remonter au début du Hot 40. Alors qui fut le premier numéro du Hot 40 le 1er décembre 1988? Qui fut le premier numéro 1? Oui. En 88? Oui. Ah, pour un Hot 40. Et vous voulez deux réponses? Non, il y a deux choix. On en accepte deux. Ah, le premier. Ah, vous avez des. Ah, vous nous proposez. Ah, j'ai des choix. Ah, non. Bah non. Ah. En 88. Mais j'étais même pas né, alors je ne sais pas. Non, je rigole. Mais je ne sais pas. Peut-être tout neuf quand même. Oui, j'étais pas envie. Alors, il faut quand même quelques indices parce que c'est très vaste. Oui. Est-ce que c'est de la musique de type pop rock? Est-ce que c'est plutôt dance? Quel genre? Parce que 88, ça s'appelle dance déjà. Hein. Ouais. Ah, tu te rappelles de. Funky. Hein funky. J'adore être funky. Ah bon une était un peu électro-anglaise, mais c'est là, à mon avis, sauf si vraiment vous avez de la mémoire, je ne pense pas que vous retrouviez. Oui, je pensais plutôt la deuxième hein, qui voilà, va être facile à trouver. En plus, la deuxième, oui. La deuxième qui fait un peu de tout, mais qui à l'époque faisait plutôt de la, des versions dance, c'est des remixes assez dance. Oui. Et qui cartonne depuis. Qui cartonne depuis et. Depuis toujours. Et qui Crystal Waters. Qui est dans l'actualité aussi. Oui, à l'heure actuelle, oui. Qui est dans l'actualité dans l'actualité, là oui, dans l'actualité. Elle vient depuis 88. Donc elle est plus toute jeune non plus. Elle vient de sortir un album. Oui, elle vient de sortir. Oui, elle a sorti un album. Bah Madonna alors. Non. C'est une anglaise. Non. Si je réponds, on a deux points. Non. Non, mais calme. Alors. Je tente, hein. Non. C'est une française donc. Oui. Ah oui. Oh, c'est pas Nana Mouskouri. Non. Elle n'a pas fait dance, Nana Mouskouri. Eh, c'est pas Barbara, ah non, parce que Barbara, elle est décédée ah bon, non, déjà. Je croyais comme ça, on ne sait jamais. Cette hein, équipe. Non, mais je voyais plutôt Mireille Mathieu, mais enfin. Ah oui, bah, c'est vrai, son tube dance. Ouais, très connu, hein, d'ailleurs. Il semble qu'elle est dans l'actualité, qu'elle va ressortir quelque chose, mais elle n'a pas encore sorti l'album. Tchakapoum, tchakapoum. Si, ça, c'est dance. C'est une blonde, aux cheveux carrés. Non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Alors là, en 88. Alors là. Je sais pas du tout. Alors, franchement, là... une française connue qui chante encore, qui faisait de la dance. Qui vient de sortir un album. Indra. Il n'y a quand même pas des masses. Hein. Elle n'est pas française. Allez, encore, encore 15 secondes et après, je donne la main à l'équipe des vainqueurs. Hein. Qui faisait de la dance. Un petit indice. Ah mais non, c'est pas vrai. Avec la coupe de... Ah non. Ah, tu sais, la... Ah, oh, tu sais, avec la... Non, l'Indienne. Pas des Irlaises, pas des Irlaises. Mais tu sais qu'elle... Mais c'est qu'elle tourne encore un peu, des Irlaises. Bon, elle tourne pas partout. Mais là, hein. Elle sort rien. Elle fait des créneaux, juste, mais... C'est beaucoup plus. C'est pour beaucoup plus que toi. Elle est pas blonde, des Irlaises. C'est quand même pas Sheila qui ressort à disque. Bon, allez. Sheila, non. Il y a plein... Il y a eu... Elle a fait plein d'albums. Oui. Ouais. Oh, ouais, on va, quand on va savoir la réponse, c'est sûr. Je crois que Swellen, on donne une chance à Francis. Alors Francis, c'est Mylène Farmer. Bravo. Ouais. Bravo Francis. Ah oui, alors donc en effet, elle est vraiment pas blonde au carré. Et la coupe de l'Académie Fadjet, c'est pas pour rien. Hein. Et c'était avec pourvu qu'elle soit douce. D'accord. Et l'autre, c'était quoi? C'était Rosala. C'était Yaz. Avec The Only Ways Up. Ouais. The Only Ways Up. Bon, ah ouais, d'accord. C'est le seul titre de Yaz, presque. Hein. Ouais. Mais c'était le tout premier. Hein. Et juste après, c'était donc Mylène Farmer avec Pourvu qu'elle soit douce, rappelez-vous. C'était déjà les maxi à l'époque. Vous avez donc tous reconnu la douce voix de Mylène Farmer. Voilà. Les clips. Ah oui, exactement. Swan, les clips étaient magnifiques, magnifiques clips de Mylène Farmer. D'ailleurs, petit film hein, déjà. Petit film. Films, par contre, j'ai pas le Stolen Car. Stolen Car aussi très très beau clip aussi, mais un peu moins moderne que. Moi, ce que j'aime, c'est quand elle embrasse Sting. Oui. Ah, ça, c'est vrai que. La chance. Ah oui. Oui, enfin, oui. Oui, c'est vrai. Mm. Nous, on aimerait plutôt être à la place de Sting. Voilà, c'est ce que j'ai. Ouais. Oh, bah, je suis désolé. Hein. Oui, non, mais... Ces concerts aussi sont impressionnants. Ah, les concerts, oui. Et le dernier, notamment, effectivement, si vous l'avez pas, si vous l'avez raté, c'est vrai que. Laurent c'était sur D17. Voilà, et il me l'a dit après. Hein, oui. Mais bon. Ah, oui. Et j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au replay. D'ailleurs, je me suis fait critiquer le soir-là, j'ai pas regardé de série, j'ai regardé Mylène Farmer. Exactement. Rappelez-vous les épisodes précédents. Alors là, déjà 2-0, hein. Oui. Déjà là, bon. Vous appelez les perdants, c'est... je comprends. Oui, oui, oui. Non, c'était cohérent, c'est bien. C'est... Allez, une autre question. Une question sur le quotidien. Et là, donc, on retourne déjà chez les vainqueurs, hein, puisque pour un 3-0, pour peut-être une balle de 3-0. Enfin, allez, et c'est Manon qui va lire la question. Qu'est-ce que les parents finlandais reçoivent de l'État quelques jours avant la naissance de leur enfant. Merci Manon. Il neige. Et il neige. Pour les 30 ans de Fadjet, c'est beau. Quand c'est même, beau. Hein. Et on parle de Finlande. Non mais voilà, on est connectés. Franchement. Alors, qu'est-ce que les parents finlandais reçoivent de l'État quelques jours avant la naissance de leur enfant? Ça concerne chacun de leurs enfants ou que le premier? C'est plus le premier, C'est plus le premier après. Peut-être qu'ils peuvent faire une demande pour l'avoir en avoir un autre après. Mais une calotte c'est... glaciaire. Non, il a dit un autre. Donc c'est... Un berceau. Bravo. Il est fort. Alors une petite précision. J'aurais dit une poussette. Bah non. Non, là, il a une précision parce que c'est un berceau, mais il a une particularité ce berceau. En bois. Non. Sculpté à la main. Non. Glace. Sculpté en glace. Non. De la paille comme le petit Jésus. Non. C'est pas du bois, c'est bien, Kevlar. bien plus léger que ça. C'est du finlandais. Il est finlandais, oui. Donc c'est Ikea, quoi. Le truc, c'est carton. Avec un nom oui, à prononcer. Oui, en carton, effectivement. Ah, joli. Donc voilà, ils reçoivent un berceau en carton. Ah bon. D'accord. En carton. Oui, mais apparemment, deuxième, bon, c'est déjà du. Alors, c'est pour ça que je disais le deuxième, si jamais il est un peu abîmé, ils peuvent peut-être en avoir un deuxième. Mais. Et voilà, parce que apparemment, une étude a prouvé que le carton permettait que l'enfant se sente bien. Et bon, alors, attention, hein, c'est pas un carton que vous trouvez en allant faire vos courses, que vous récupérez. Hein. C'est quand même le carton déjà un peu façonné comme un berceau. Hein. C'est quand même pas... Vous imaginez pas qu'on pose un carton et qu'on met qu'on offre un carton vide. Les Scandinaves ont la faculté de faire du beau papier et du beau carton. Voilà, donc effectivement. Y a aussi un courant de bricolage là, qui consiste à construire ses propres meubles en carton, y compris en France. Hein. Mm-hmm. C'est effectivement à partir de carton ondulé classique, mais avec des techniques de montage particulières. Ils font des étagères, des fauteuils, on peut s'asseoir dessus. Enfin, c'est assez impressionnant. Hein. Exactement. Donc ça va dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là, mais c'est assez surprenant quand même qu'on puisse se voir offrir donc un berceau en carton. On continue, donc là on est quand même à 3-0. Alors je sais pas, mais je donnerai quand même un point sous Hélène. Hein. On peut donner un point parce que oui. Le carton, c'est quand même François qui l'a trouvé. Mais j'avais trouvé aussi moi le berceau, mais j'avais... Oui, mais c'était. Et c'est pas à nous de répondre. C'était pas à vous de répondre. Mais bon, il y a eu quand même ce complément. Et donc 3-1 pour l'instant à 11h38 dans les 30 heures de direct. Et donc dans l'heure qui nous intéresse, l'année 2011, où nous jouons en se rappelant eh bien, les bonnes heures de ce grand jeu de l'Académie Fadjet dans les années 2000. Autre question, Laurent, une question sur les plus ou moins 30 ans. Alors voici. Et là, c'est pour donc l'équipe des C'est nous. MSF. MSF. Mais sans façon. Mais sans façon. Ah oui, c'est joli. Alors le trio, attention. En quelle année on peut découvrir en quelle année on a découvert l'arrivée du nouveau pape Jean-Paul II à la tête de l'Église. Alors est-ce que c'était avant, enfin plus ou moins de 30 ans? C'est plus. Plus de 30 ans. Et c'est sûr. Mmh. Parce que c'est en 78, je crois. Ah, c'est l'année de ma naissance. Oui, c'est ça. Exact. Et le jour? 78, le jour? De ma naissance? moi, je suis né le 10 août. Mais... Voilà. Non. Ah bon, d'accord, je croyais que tu parlais. Là, on s'intéresse à Jean-Paul II. Ah bon, bah pardon, alors, désolé. Hein. Tu as eu Michael 1 ou 2? Je ne sais pas. Tu as vu la fumée blanche? Non, c'est bien. Ah, Mousse, c'est 78, on est d'accord. C'est ça. C'est ça, 78. Ouais. C'était le 16 octobre 1978. Donc, voilà. Tu m'avais demandé, je te l'aurais dit. On savait pas qu'il fallait être si précis. Et donc, ça fait, sous Hélène, 5 points. Ben non, il y a 2-3 là. Donc, 2 pour les MSF et 3 pour les vainqueurs. Allez, maintenant, une question Fadjet. Alors là, une question son. Et on écoute donc la première question. Je cherche mon papier. Il y a quand même 48 feuilles sur le. Oui, ça, sur le hein, mais ça a toujours fait comme ça. C'est vraiment bien. C'est toujours une émission. Ça fait 3 jours qu'il ne dort pas à préparer les papiers. Alors, il faut terminer la phrase. On termine la phrase et on écoute. C'est un peu difficile. Ça pourrait relancer le match. Et on écoute. C'est la question 1. C'est la question 1, oui, d'accord. C'est dans le. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est ça le direct. Le Q1, Q10, tout ça, c'est question 1. C'est les Q1. Le Q1, si tu veux, c'est la question 1. On termine la phrase, on écoute. Alors, question 1. Qui peut répondre à ces jeux ? À partir d'une culture vécue au niveau régional, au niveau local, vécue en communauté, en vie associative, on s'ouvre au contraire à toutes les formes de culture. Pour en savoir plus, eh bien, il faut pouvoir entrer dans l'intimité de l'histoire. Il faut pouvoir entrer dans le non-dit, dans le secret. C'est ce qu'on appelle familièrement... Les secrets d'histoire. Non. Alors, c'est un peu compliqué. Juste qu'elle n'entend pas ta collègue. Ah, bah oui, elle n'a pas de casque. Elle n'a pas entendu. Ah, oui, oui. Moi, de toute façon, tu n'aurais pas trouvé. Mais bon. Attends, peut-être lui passer. Tu veux réécouter Parce que c'est quand même. Donc. Plus il est loué. C'est une ancienne émission de Fadjet. Et c'est, en plus, c'est Bernard Pivot qui parle. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Et il s'en était servi pour faire la bande-annonce où c'était on peut peut-être la remettre, s'il Attends, te plaît. Tu veux quoi? Tu veux le nom de l'émission? Bah c'est en terminant la phrase, vous avez le nom de l'émission. Attends, je vais donner mon casque à l'accueil de jeu qu'elle puisse écouter aussi. C'est ça? Là, tu vas remettre. Oui, on va le remettre. Oui. C'est bon? Ben non, à partir d'une culture vécue au niveau régional, au niveau local, vécue en communauté, en vie associative, on s'ouvre au contraire à toutes les formes de culture. Pour en savoir plus, eh bien, il faut pouvoir entrer dans l'intimité de l'histoire, il faut pouvoir entrer dans le non-dit, dans le secret, c'est ce qu'on appelle familièrement. Et on peut le trouver par, Bernard Pivot. Par déduction. Quand on va regarder ce qu'il y a un petit peu derrière, on dit que c'est... Et on va, si on regarde un peu derrière... De l'autre côté du miroir Presque. Il y a l'endroit et... L'envers du décor. L'envers du décor. L'envers du décor. Mais tu je peux pas jouer, moi. Excuse-moi, l'envers du décor. C'est ça. Oui, c'est l'envers du décor. C'est une émission Merci de Fadjet. Laurent. C'est une émission de Fadjet de l'année dernière. C'est ça aussi, l'Académie Fadjet. Merci. On peut pas leur donner, là. Tu as les réponses, en fait. Non, c'est pas ça, c'est que moi... Je viens à rêver, donc joueur. Je suis à fond dedans. Excusez-moi, j'ai joué. Alors lui, c'est notre joker à nous. Alors, c'est notre joker. C'est Sue Hélène qui décide. Il jouera aussi pour vous. C'est le juge, moi, je. C'est Sue Hélène qui décide. Alors, j'accorde le point, mais il faudra que tu aides tout à l'heure l'autre équipe. Ah, okay. Voilà. Bravo. Bah oui, quand même. D'accord, et donc on peut écouter la réponse dite par Bernard Pivot. C'est donc juste la réponse qui suit, la Q1R, hein, pour être précis. Alors, Q1R. Ah, d'accord. Je découvre comme vous. Hein. C'est quand même. Alors, on a la réponse. Alors, voilà. Donc, voici la réponse. L'envers du décor. C'était le titre d'une émission de Fadjet avec le petit générique qui va bien. C'était une émission qui parlait de la culture. Il y avait eu des émissions un peu surtout l'actualité régionale. D'accord. Et voilà, on voyait un petit peu ce qui se passait derrière. Une actualité. Il y avait eu une émission sur qu'on allait un petit peu plus loin voir ce qui se passait dans cette ville et les richesses qu'on pouvait y trouver. Voilà, c'était l'envers du décor, une ancienne émission de Fadjet. On continue. Très bien. Allez, on va peut-être pas leur redonner une question haute 40 à l'équipe des MSF. Là. Mylène Farmer. Nana Mouskouri. Ah, c'est Mylène sans Farmer. Ah, MSF. Oui, c'est vrai. Mylène sans Farmer. Ouais, bah, il ne reste vrai. Pas grand-chose quand même. Hein. Alors, celle-là, elle est facile. Elle est facile. Oui, parce que si tu connaissais Mylène, enfin bon. Hein oui, non, passons. D'accord. Oui, non. Allez, Manon. Pourquoi le gouvernement veut-il interdire les vitres teintées à l'avant des voitures? Pour mieux nous verbaliser. Ah, c'est facile. Pour mieux pénaliser les conducteurs qui utilisent le téléphone, surtout en roulant. Exactement, exactement. Effectivement, ça paraissait logique, mais d'ailleurs, je savais pas, j'ai appris d'ailleurs, je pensais pas que les vitres avant étaient teintées. Oui, c'est souvent les vitres arrière et. Oui, mais on peut les faire surteinter à l'avant. Oui, c'est ça le problème, c'est les vitres surteintées. C'est hors la loi depuis longtemps, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et donc là, maintenant, ça va être complètement. C'est l'application de la loi seulement maintenant. Il va être appliqué comme beaucoup de choses. Hein. On n'a pas le droit, mais ce n'est pas encore appliqué. Mais là, maintenant, ça va être chose faite. On en est à combien, Sue Hélène? Alors, on en est à 4 points pour les vainqueurs et 3 pour les MSF. Rien n'est perdu. 11h45. Il faut qu'on regarde. Hein, Laurent, tu as un œil sur la pendule, hein, parce qu'il ne faut pas rater le passage à l'année 2012. Hein. Avec Riri. Avec Riri, Fifi et Loulou. Non. Allez, une question haute 40 pour les vainqueurs, hein, facile pour eux. Et Matt Pokora. Ah oui, là c'est facile. C'est facile. Oui, c'est facile. Alors, qui est le numéro 1 actuel, c'est ça, c'est le 1. du classement en ce moment. En ce moment-là ? Tout de suite, là. Parce que vous auriez pu entendre de vendredi, mais hier, mais non, il n'y en avait pas parce que c'était le 30 ans, mais celui de la semaine dernière, vendredi dernier. C'est facile. Elle est entrée directement numéro 1. Ouais. Bah, Mylène Farmer. Bravo, bonne. Nana Mouskouri. C'est pas ça ? Non. Ah mince. Ça y est, non, c'est pas vrai. C'est parce qu'elle vient de sortir un album, machin, donc elle rentre dans l'autre 40, puis elle est tellement bien que. Il n'a pas encore sorti. C'est un scandale. Elle a déjà sorti un single, non ? Monsieur le Caboche. Faut pas aller chercher bien loin, mais bon. On en a même parlé tout à l'heure. Alors Adèle. Voilà, c'est ça. Il me semble que ça doit être Adèle. Oui. C'est pas Adèle. Mais c'est un peu facile. Là, ça se bah, c'était une question, gros. Ça fait un demi-point. Non, mais c'est un peu facile après ce que vous avez dit. Non, j'y ai pensé. Enfin, après qu'elle a dit. Oui, en fait, justifie pas. Non, mais. Oh là, c'est dur, là. C'est bien connu qu'elle est gagnante. Que les vainqueurs ont toujours beaucoup. Très bien. C'est Hello, it's me. Voilà, bien, il a eu chaud. Bien, c'est Hello tout simplement. C'est Hello. Hello. T'as dit Smith tout à l'heure. Ouais, parce qu'après elle dit Hello. Ah oui, d'accord, mais le titre c'est Hello. Mais c'est ce que j'avais dit. En fait, on veut toutes les paroles. Un peu tiré par les cheveux. Alors, voilà, ouais. Et sinon, là, ce sera validé à ce moment-là. Non, vous n'avez pas les paroles. Ah, ils sont durs. Hein. Oh, bah. De quelle couleur sur le sourcil d'Adèle? Sachant qu'elle est teintée comme les vitres. Surteintée. Je pense qu'il y a une atmosphère viciée dans ce studio. On nous a fait respirer des choses hallucinantes. Donc voilà, donc ça fait quoi 4-3 5-3. Oui, mais non, mais là on se fait un petit peu malmené. Mais je suis sûr qu'il y a des questions à qui tout double, des machins comme ça à la fin. Bah, oui, enfin, oui. Vous allez remonter. Tu peux perdre. Allez, une autre question, quotidien, Manon. On va parler de la Tour Eiffel. Alors ça, c'est pour. Bah c'est pour nous. C'est pour les Mylènes sans frontières. Les Mylènes sans frontières. Ou les Mylènes sans fond, mais ça c'est autre chose. Allez, on y va. Le 8 novembre dernier, la Tour Eiffel a été le centre d'intérêt principal pour des jeunes britanniques. Pourquoi ? Le 8 novembre dernier. Ouais. Pour des jeunes britanniques. Ouais. Ils ont fait quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ils sont venus en France en visite sur la Tour Eiffel ? Bah, ils étaient là, oui, mais ils ont fait quelque chose de particulier. Ils ont fait quelque chose de particulier. Alors là, Britannique. Le 8 de ce mois-ci, là. Le 8 novembre, oui, le 8 de ce mois-ci. Oui. Donc c'était avant les événements. Je regarde mon agenda. Ah oui, parce que je pense qu'ils n'auraient pas pu le faire après. Oui, parce que la Tour Eiffel était fermée. D'ailleurs, ils ne pourraient même plus le faire maintenant. Je pense que maintenant, ce serait très difficile. Quelque chose en rapport avec leur pays ? Non. La reine d'Angleterre. Ça pourrait être des Grecs, des Turbo-Croates, des Serbo-Croates ou des. Turbo-Croates ? Qu'est-ce qu'il dit ? Des Turbo-Croates. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des Croates, mais ils vont plus vite. Ils sont tout. C'est des Croates qui sont beaucoup plus. Oui, c'est des poissons, en fait, je pense. C'est des poissons croates. Oui, ils sont venus chanter. Et moi aussi, je pourrais faire un. Ah oui, tu pourrais faire une station. Ah, il y a peut-être eu un concert. Ils sont venus chanter. Un grand concert. C'est ça, non ? Non. Ah non ? Est-ce que c'est en lien avec le rugby, avec la Coupe du Monde rugby vital ? Non. Ah, quelque chose un peu que il y en a, enfin ça se fait un peu partout et là ils ont eu envie, ils ont c'était un pari. Ah, c'était comme un teasing, ils ont lancé, tu sais, non, ils ont pas dansé, ils ont pas lancé, non. Qu'est-ce qu'on peut. Alors, imaginez. En fait, le gardien de la Tour Eiffel est anglais. Vous êtes non, celui qui vend les tickets en bas. Allez, imaginons une mise en situation. Oui. Donc Steve, Michael et François sont tous les trois en bas de la Tour Eiffel. Yes. Oui, ils font un boys band. Ils regardent cette Tour Eiffel. Yes. Alors là, en l'état actuel des choses, vous pourriez pas le faire. Ils sont descendus en rappel. Ah, pas ça. Ah oui, ils se sont baladés, ils sont montés, ils sont montés à main nue. Ils sont grimpés, ils ont été capturés. Effectivement, et au départ. Ils sont toujours. Et non, ils sont réussis. Emprisonnés à vie. Sauvez-les, s'il vous plaît. Sauvez-les. L'histoire est même plus drôle. C'est qu'au départ, ils voulaient donc prendre leur billet pour monter au deuxième étage et faire le final, c'est-à-dire faire le dernier. Dernier étage. Mais ils n'ont pas pu. Il y a eu un problème. Ils n'avaient pas de sous. Ah, et voilà. Ça c'est le problème des donc Anglais. Ils n'ont pas pu, jamais de soucis. Ils n'ont pas pu donc payer leur billet. Ils se sont dit puisqu'on peut pas payer notre billet, on va partir du bas. Voilà. Et ils ont quand même été jusque quasiment en haut et sans qu'on les voit quoi. Donc ouais, c'est pour ça que là ce serait quand même plus possible. Ils se sont quand même fait. Ah, je pense que là non. Il passera un sale quart d'heure s'il le fait. Donc voilà, donc après ils se sont fait quand même un peu réceptionner en bas parce qu'à un moment donné on a quand même vu c'est quoi qui grimpe là-haut. Donc ils se sont fait un petit peu évidemment recadrer hein, par les services de police. Puis ils se sont fait un peu raccompagner un peu chez eux, mais tout est bien. Hein, comment ? Est-ce qu'ils ont dû régler du coup ? Non, bah non, non, ah bah non, non, ils ont fait les beaux jours. Est-ce qu'ils avaient bu des pintes de bière avant de monter ? Oh. L'histoire ne le dit pas. Enfin voilà, ces Anglais qui ont voulu donc grimper sur la Tour Eiffel. Sauvez-les. Laissez-nous grimper, s'il vous plaît. Très bonne réponse des MSF. Ah, vous pouvez nous applaudir quand même. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est fait. Ah ouais. Merci. Merci pour l'engouement. Allez, nous jouons maintenant avec la Q5. La Q5 pour l'équipe des vainqueurs. Ah, parce qu'en fait, c'est pas dans l'ordre de truc. Non, mais parce que je pense qu'on n'arrivera pas au bout. Donc parce que moi, j'avais calé la Q5, la Q10. Ça, c'est pour le visage. C'est l'antilie, la Q10. Attention, voilà, Q5. Q5, c'est une voiture. On voit les connaisseurs. Alors, je cherche Q5R. Non, Q5 normal. Ah, il n'y a pas de R. Il n'y a pas de R. Ah, bah voilà, donc comment ? Lance les deux, Laurent. Donc, Q5, quelle est l'émission ? Et attention, personne ne souffle. Alors, retenez votre souffle. Quelle nuit. On a fait la sieste. On a dormi très longtemps. On a dormi très très longtemps. C'est incroyable. Regardons voir le cadran. Attendez. Mais quelle heure ? Il est 14h. Nous avons dormi 25 heures. 25 heures ? Ça toque à la porte. Ça toque ? Allez ouvrir. Allez, je me dévoue. Oui. Bonjour maître. Désirez-vous un café pour ce matin ? Oui, s'il vous plaît. Et pour bien le faire, je le prendrai dans le jardin. Bah, écoutez, moi aussi, hein, je vais vous suivre hein, parce que j'ai besoin d'un café aussi. Hein, je laisse la table, ça va être prêt très rapidement. Bah, j'espère bien, oui, vous êtes pour ça quand même. Hein, regardez, ces petits oiseaux. Bah, c'est joli, hein, mais écoutez, il y a quelque chose quand même qui m'inquiète. Hein. Oh, ok, mais qu'est-ce qui vous inquiète ? Bah, on a passé la nuit. Une idée, oui. Francis ? Résidence Jean Lamour. Ah, non. Il y a un gros blanc. Non, c'est pas celui-là, non. Il y a un gros blanc. François et Steve dedans. Donc, à mon avis, c'est un prestation. Oui, évidemment. Ah, c'est un prestation. Bah oui, trop bien. Non, j'ai jamais fait ça, c'est pas moi qui ai fait c'est ça. C'est pas moi. C'est je l'ai pas commis. Pas. Et oui, effectivement. J'ai oublié. La voix de Christophe et la voix de. C'était François Barthélemy et Fabien Perret. Ah, il n'y a pas ta voix ? Ah non, j'ai cru que c'était. En tout cas, j'ai reconnu François, ça c'est sûr. Oui, mais c'est pas moi du tout. Donc, c'était en tout cas un ProStation ou un ProStation. Des fois, tu le fais en anglais. ProStation. Voilà, c'est vrai. Alors, des fois, c'est un ProStation. Des fois, c'est un ProStation, ça dépend des fois. Alors, c'est toi ou pas toi ? Non, bah, c'est frère jumeau ? Comment ? T'as pas de frère jumeau ? Non. Donc, c'était bien toi ? Ah bon ? Oui. Bah, je sais pas, j'ai quand même l'impression que c'est ta voix, mais. Bah, il y avait. Ah oui, il y avait plusieurs personnes. Je sais pas qui tu fais. Fabien Perret, oui. François Barthélemy, et si c'est moi, je me suis pas reconnu. Mais qui est cette personne? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur? En fait, autour de la table, c'est pas Steve qu'on a. Est-ce que t'es sûr que c'était un prestation? Ah oui, non, mais ça, François, il est où ici? Je te l'assure. Ah oui, Ah bah écoute, ça me fait plaisir, parce que je me rappelais pas. Il a oublié? Bah oui. Il a préféré oublier. Il en a fait tellement qu'à un moment donné, il peut plus. Mais c'était bien. C'est... Pour le coup, je dois le dire. Alors, c'est vrai. Ce qui est bien, c'est dans le concept de l'improvisation, puisque c'est tout est là. C'est vous tirez un thème, vous choisissez un thème un petit peu. Voilà, c'était une impro, c'était pas une bande annonce. Moi, j'étais sur une bande annonce. Mais c'était une impro d'une émission. Je me rappelais pas effectivement. C'était une impro. Je sais plus le thème de l'improvisation. Mais on se réveille. Voilà, après une nuit agitée, on se réveille et puis voilà. Et là, donc effectivement, moi, c'est vrai que je mène l'émission, mais je ne joue du coup pas comme vous. C'est vrai que j'anime, mais du coup, là, c'était une impro avec effectivement François qui fait partie de la matinale et Fabien Perret qui vient assez souvent jouer dans Improv Station. Voilà, très bien, parfait, c'est précis. Bien. Donc, ça fait un point de plus, Swellen. Ce qui fait 6 points au total pour les vainqueurs et 4 pour MS. 6-4. Allez, on continue. Avec, les MSF, avec juste celle d'après. Alors là, moi, je l'adore. C'est la question 6. La question 6. Et c'est, j'appellerais, la question du doc. La question 6, est-ce qu'il y a un QR6? Un Q6. R, c'est quand il y a une réponse. Ah, il est technicien. Mais excusez-moi, je suis à la technique, je découvre, j'essaye d'anticiper, je cherche les R, moi. Donc voici la question 6. Oui. Voilà, la question du doc. On écoute, c'est très important d'écouter. Alors, autre question, c'est quoi les CH et les DH qu'on voit sur les tubes? Alors, CH, ça veut dire centésimale hanomanienne, et DH, ça veut dire décimale hanomanienne. Ces termes découlent, en fait, de comment on a réalisé le produit. Ils correspondent à une série de dilutions par cascade au centième pour les CH et au dixième pour les DH. Pour obtenir une dilution 1CH, on va, par exemple, diluer 1 ml de la substance active dans 99 ml d'eau. Pour faire la dilution 2CH, on va prendre 1 ml de la dilution 1CH qu'on vient de faire juste à l'instant, qu'on va rediluer dans 99 ml d'eau et ainsi de suite. Alors imaginez un petit peu la dilution qu'il y a dans 30CH par exemple. C'est clair. Imaginez la dilution qu'il y a dans 30CH. Ouais. Aspirine, vite. Est-ce que Thomas est dans le coin là? Parce que j'ai rien compris moi. Ouais, alors, c'est pour ça que je dis la question du doc, il n'est pas doc, hein, mais ça fait vraiment un peu médecin. Et la question un est peu simple. Enfin, un peu beaucoup. La question est simple. De quoi il parle, Thomas? Thomas, dans la... sentez-vous bien, on l'a entendu tout à l'heure, oui, de 9h à 10h. Il est docteur en pharmacie. Oui, docteur en pharmacie, oui, c'est effectivement la question du docteur en pharmacie. C'est une dilution. Est-ce qu'on parle de la dilution des médicaments, à savoir ces petites quantités qu'on utilise dans l'homéopathie? Voilà, c'est les petites. Les petits tubes. Les granulés. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu ça dans la dernière émission, j'ai dit. Si tu prends pas l'émission, si tu prends l'émission en route et que tu rates le début, quand il parle de dilution, là, t'es un peu perdu. Mais c'était excellent. Donc voilà, c'est donc l'émission Sentez-vous bien que vous retrouvez les mardis à 18h et rediffusée, je sais plus quand, mais c'est rediffusé aussi une fois, il me semble. Le dimanche. Le dimanche, voilà. Merci. Alors, question difficile, elle équivaut à 2 points, par exemple. François Livret. Allez, une question haute 40 maintenant pour Sous-Hélène. Alors, quelle langue peu utilisée en France a été régulièrement entendue dans le classement dans les années 90? Le turbo-croate. Le basque. C'est les vainqueurs. Le turbo-basque. L'espagnol. Non. L'allemand. Tout à fait. Mais ils ont droit à combien de réponses comme Nena, ça? Parce que là, je peux faire toutes les langues. Hein, là, non, avec Nena. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu, notamment à l'époque, dans les années 90, un Allemand que, j'allais dire, nous seuls avons joué sur Fadjet pendant un moment. C'est Matthias Reim. Alors, vous en appelez peut-être pas beaucoup, mais il a eu au moins 4 ou 5 titres classés dans les hautes 40. C'était un énorme carton en Allemagne. Tous ces titres, à un moment donné, sortaient, étaient numéro 1 en Allemagne. Et comme les hautes 40, je regardais un petit peu aussi tout ce qui se passe dans le monde, on l'avait fait rentrer. Et il y avait notamment une chanson, Verdammt, ich liebe dich, qui était un des grands tubes de Matthias Reim. Il est quand même en train de lui dire qu'il l'aime. Ich liebe dich. Voilà, c'est ça, il y avait quand même. Matthias Reim, R-E-I-M, si, je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. En tout cas, moi je peux vous le certifier, il a disparu de la prog. Il a disparu de la prog parce que j'ai regardé, c'était à l'époque, il n'y avait pas Georges, donc c'était... Donc rectification, il n'est même pas rentré dans la prog. Ah non, c'était des bons vinyles là, qui crépitaient. Est-ce qu'on peut expliquer qui est Georges? Parce que est-ce que tout le monde... Oui, voilà. Est-ce que les gens qui nous écoutent savent, effectivement... Il n'est pas rentré dans Georges. Qui est Georges? Georges, c'est l'ordinateur de... C'est l'ordinateur du studio. Voilà. C'est celui qui contient toute la musique de la programmation. Imagine-moi, moi je découvre Fadjet aujourd'hui, Vincent t'entend, et il dit, il n'est pas rentré dans le genre. Alors de quoi on parle, messieurs? Il est 11h, presque. Et les enfants ne sont pas couchés. Il est presque midi d'ailleurs. C'est bien, voilà. Donc, Georges est l'autre ordinateur de programmation. Enfin, si vous êtes fidèle à nous, si vous nous écoutez depuis 30 ans, vous savez que depuis, je sais pas, il est né quand, Georges d'ailleurs? Ah bah. Il est même pas majeur. Ah bah, bravo. J'ai pas compris. Qui est-ce qui s'est dilué dans Georges? En plus, c'est la deuxième génération. Allez, c'est la deuxième génération de Georges. C'est la deuxième génération de Georges. Allez, il est midi. Il est midi. On passe à la nouvelle heure dans nos 30 heures d'ondes solidaires et notre superbe journée où on passe, où on découvre, où on redécouvre tout ce qui s'est passé dans Fadjet. Fadjet, il est midi. Content. Joyeux anniversaire. Une nouvelle heure, une nouvelle année. On fait donc une pause dans notre jeu. Sous-Hélène nous rappelle juste le score. Alors, les vainqueurs, ils sont à 7 et 5 pour les MSF. Donc c'est la mi-temps et nous sommes en 2012 à 86 ans. On en parlait tout à l'heure de l'Angleterre et des Anglais à 86 ans. La reine Elisabeth II fêtait son jubilé de diamant. Et jubilé de diamant, c'est quel âge? Combien de temps? Jubilé de diamant, 60 ans de règne pour la reine d'Angleterre. 6 millions de personnes bravaient la pluie, comme un peu nous. Aujourd'hui, on a même eu de la neige tout à l'heure. Durant les festivités du 2 au 5 juin 2012. C'est aussi en 2012, on se rappelle tous des, à Londres aussi, les Jeux Olympiques, c'est bien, ouais. Du 27 juillet au 12 août. Et puis la France qui avait remporté 34 médailles et qui était au 7e rang des pays. C'était vraiment une bonne année pour les sportifs français. Le 6 novembre 2012, très bonne date, c'était mon anniversaire, mais c'était aussi... tu vois, toi aussi, tu te places. Hein. La réélection de Barack Obama, qui était réélu pour un second mandat aux USA. Et alors là, moins drôle aussi, mais on peut rendre hommage aussi et y penser, c'était les tueries de Toulouse et l'affaire Mera. En 2012, le 22 mars 2012, il tombait sous les balles du raid d'un homme en scooter qui abattait 3 militaires parachutistes à Montauban et à Toulouse. Et puis, alors, je ne sais pas si je veux dire c'est beaucoup plus drôle ou beaucoup plus... C'était aussi en 2012 l'élection de l'actuel président de la République. Moi, président. Sans commentaire. Moi, président. Voilà, avec sa... Avec sa célèbre phrase, moi, président. Voilà, qui était une... C'était une figure de style. Oui, comment ça s'appelait? Je ne sais plus comment elle s'appelait. Oui, enfin voilà, tout, une ortho, bref, voilà. Bêtise. Voilà, tout le monde a bêtise. Ça, on coupera au montage. Ah, tu tournais en direct. C'est pas grave. Il est donc 12h02 dans cette année 2012. En 2012, je tourne la page. La musique, cette année-là, la musique, c'était une qui a trôné très longtemps en haute 40. Elle a été d'ailleurs. Mylène Farmer. La chanson qui s'est retrouvée deux années de suite dans le classement, et en 2011 et en 2012, c'est la fameuse Rihanna avec sa chanson Diamonds. Ah, rappelez-vous, Like a Diamonds. On écoute Rihanna tout de suite. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Beautiful like diamonds in the sky. I too like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Shy Bright Like the Diamonds, c'était Rihanna pour illustrer l'année 2012. Allez, une bande annonce. Et puis après, je vous proposerai un peu pour vous chauffer la voix. L'Académie Fadjet, ça a été des chansons mémorables. On en a fait un CD même, rappelez-vous. Vous en rappelez peut-être pas, mais moi, je ne m'en rappelais plus quand j'ai retrouvé le CD. Et notamment, ben, puisque les dossiers ressortent. Puisqu'il est là et qu'il est vainqueur, il l'a dit déjà lui-même. Il a, et Francis a chanté. Alors, c'est dommage parce que ce n'est pas Francis qu'on entend le plus. Francis, il est de ces winners qui savent être là, mais sans trop se faire remarquer. Donc, c'est-à-dire que. Et voilà, il y avait une lead vocale. On va écouter une chanson de Renaud dans quelques instants. Mais avant ça, une petite bande-annonce pour illustrer toujours cette grande fête des 30 heures de Fadjet, 30 heures d'ondes solidaires. Voici la bande originale d'une émission de sport qui revient. Ça fait un petit moment, on avait un peu oublié les émissions de sport. Elle est revenue cette année. Il va y avoir du sport. Et quand vous la voyez sur le papier, ça ferait YVYADS. Alors, c'est vrai, quand vous voyez ça sur le papier, pas toujours facile de faire le rapprochement, que ça veut dire il va y avoir du sport. Mais c'est ça. Va y avoir du sport, c'est tous les mercredis de 17h à 18h avec du sport, de la bonne humeur et de la musique. Il va y avoir du sport, c'est sur Fadjet 94.2 et sur www.fadjet.net. Dans quelques instants, nous reprenons le jeu, mais je voulais, parce que quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit, mais il faut la passer, parce qu'elle est vraiment bien, une chanson de Renaud, mon bistrot préféré. Parce qu'à l'époque, dans les années 2000, eh bien, il y avait un challenge, il y avait une case quand on jouait, alors il y avait des gros concepts. Alors, l'Académie Fadjet, c'est souvent un concept assez compliqué. Hein. D'année en année, on élevait le niveau, et c'était pas toujours facile de suivre, et il y avait une case où on tombait sur une chanson, et le pauvre qui tombait sur la chanson, des fois, bah, il regrettait d'être venu, mais ça a donné toujours de très très bons moments de radio. Alors nous sommes en 2001 et voici la chanson de Brigitte avec toute son équipe, et il y avait Francis dans l'équipe. Voici mon bistrot préféré de Renaud, souvenez-vous. Brigitte, accompagnée de son équipe, Francis, Christophe et Franck, voici mon bistrot préféré, la version donc de Renaud, réadaptée pour vous dans Star People. Je l'ai déjà. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire. Les jours de vague à l'âme ou les soirs de déprime, Marcel, hein, près de quelques artistes amoureux de la rime, je vis deux ou trois verres en parlant de peinture, d'amour, de chansonnette et de littérature. Il y a là, bien sûr, des poètes, le prince, tirant sur sa bouffarde l'ami Georges Brassens. Il y a Brel aussi, et Léo l'anarchiste. Je revis avec eux une célèbre affiche. Traîner vient nous chanter une folle complainte. Cependant que Verlaine et Rimbaud à l'absinthe se ruinent doucement en évoquant Villon, qui rôde près du bar et des mauvais garçons. L'ami René Fallet me parle de ses touches qui le font frissonner quand il pêche à la mouche, et du vin et des femmes et surtout des copains qui font la vie plus belle, le désespoir plus loin. Mon bistrot Boris Vian, c'est pas la bonne feuille, Franck. C'est tout pourri. Écoutant les histoires, on voit pas bien, c'est sur fond noir. je m'assois avec eux pour quelques libations. Sûr. Entouré de des proches, des réserves et tontons, nous rigolons des cons avec Frédéric Dard. Souvenir de prison avec le vieux Bouddha. Au diable et puis Pagnol, s'allume ton Pernod. Et je lève mon verre à Robert Doisneau. Gainsbourg est au piano, jouant sa javanaise. Et nous chante l'amour qu'il appelle la baise. De Verre est là aussi, dans un coin il trinque. Avec Bernard Dimet, avec Bobby Lapointe. Assis autour du poêle, il y a Jacques Rigaud, Franquin, Jean-Pierre Chabrol, Prévert et son mégot. Nous parlons de suicide, Maurice René arrive. La mort est quelquefois tout un art de vie. T'as passé vite la musique. Quelque part dans les cieux, je l'avoue désolé, manque de femme un peu. Bah si, y a moi. Mais les amis, les potes, qui le hantent toujours, savent aussi bien qu'elle ce que c'est que l'amour. Ils sont bien plus vivants, dans ma mémoire au moins, que la majorité de mes contemporains. Si demain la faucheuse vient me prendre la main, pourvu qu'elle me conduise au bistrot des copains avec tac et tac tac. Point. Oh, on se la pète à mort là, c'est bon, allez, voilà un souvenir des grandes chansons de l'Académie Fadjet. Alors, on s'en sort comme pas si mal finalement. Non, non, mais si, c'est vrai. C'est impressionnant. C'est nostalgique. Non, mais oui, après, c'est sûr que c'est pas non plus. Ah ben, on n'est pas spécialiste. Hein. Non, non, mais. Si je peux me permettre, sur le CD, il y a quand même la Bomba. Et si on a le temps, j'aimerais bien entendre la Bomba. Parce que la Bomba, à mon avis, ça doit donner. Il y a du Hélène Ségara, il y a des choses. Ah ouais, bon, il y a du bon et du moins bon. Hein, alors, Benoît, je veux bien une copie du CD, moi. Oui, c'est vrai que c'était Jean-Luc qui a fait un CD, une compilation des meilleurs moments des chansons de l'Académie Fadjet. Allez, on reprend. Sous Hélène, on en a combien? Alors, les vainqueurs, ils sont à 7 points et MSF 5. 7-5, rien n'est perdu. Avec, et là, on en est à qui C'est à MSF. Allez, allez, une Q11. On peut avoir quand même une petite virgule, un petit jingle. Ah, si, mais comme tu veux. L'Académie Fadjet. Quand la musique des mots envahit nos oreilles. C'est une grosse virgule, ouais, mais parce qu'à l'époque, c'était l'époque où on faisait des. Oui, c'est ça. Les jingles sont d'époque. J'ai ressorti les dossiers. C'est vrai que maintenant, il serait très court, il n'y aurait plus de. Et la poussière, apparemment. C'est d'époque. J'enlève la poussière, je fais le ménage. On est d'accord. Bon, allez, est-ce que j'aurai ma Q11? Alors, la Q11, Benoît, je vais t'annoncer un scoop, c'est que la Q11, elle est déjà prête. Ah! Eh ben, dis donc. Et c'est donc pour les MSF. Il va être 13h. Oui, c'est ça. Il serait temps de t'y mettre, quand même. Allez, on écoute donc une émission qu'il faut reconnaître de la grille des programmes actuels. Une excellente émission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui aujourd'hui a décidé de vous proposer du 45 tours et rien que du 45 tours, du joli vinyle qui craque, qui souffle, qui vit. La seule émission qui n'aime pas les back to black et qui va puiser à la source les chansons dont plus personne ne se souvient. Ah là là là, c'est Gaël, mais alors là, on reconnaît sa voix, c'est caractéristique. C'est pas Destination Série. Non, c'est Gaël. Gaël, et l'émission c'est. Yves, viens voir, juste une question. C'est une nouvelle émission qui est toute neuve. Hein. Elle est toute neuve. Et on n'est pas chez Foucault, il n'y a pas un joker. On peut aussi. Ah bon, quoi qu'on a droit à un joker, oui, de. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison, sous Hélène. Oui. Tiens, alors, une aide. Yves, Gaël, présentez quelle émission, Gaël, avec sa voix atypique. Non, pas l'ancienne, l'actuelle. C'est la nouvelle qu'on vous demande. Yves a un moment de solitude. Comment elle s'appelait son ancienne émission? C'est celle qui est passée hier soir. Non, je m'en souviens. Juste un indice. Pour ceux qui connaissent ces 45 tours, ça devrait être facile à trouver. C'est ce que je voulais dire. Ah voilà, c'est l'autre face. Bah, face B alors. Face B Presque. La face B. Il y a un et il y a un. Il y a deux et il peut y avoir deux. Il y a trois et puis il y avoir trois. Titre. Non mais dans les maisons. Ah bis. Voilà. Face bis. Face bis. Bah, merci. Merci Yves. Ah, c'était notre joker et puis merci voilà. Face bis. Donc face bis. C'est alors de mémoire le. C'est le jeudi soir. 17h30 ou 18h. Okay. C'est 17h30. 17h30. 18h. Ah, Gaël, on t'embrasse. On t'a écouté hier soir. C'était très bien. On continue. Allez, on reste dans les questions Fadjet parce que comme et on joue pour les 30 ans. Eh bien, on va faire la Q12. La Q12. Et la Q12. Elle n'est pas calée. Et ben c'est après la 11, normalement. Oui, ça, bah, doit... Bah, je ne sais pas. Ça doit être facile. J'ai que 10 doigts, Benoît. Hein. Excuse-moi, j'en ai que 10. Hein. Allez, 12h17. Dans les 30 heures d'ondes solidaires sur Fadjet, l'Académie Fadjet est ressortie de sa coquille, de sa congélation, comme dirait Gaël. Elle a été décongelée pour l'occasion. Et voici, pour les vainqueurs, la question 12. Ça y est, le moteur est noyé. Attention, Franck! Mais tu roules trop vite! Attention, il y a un virage, là! Mais je contrôle plus rien! Mais freine, Franck! Freine! Il n'y a plus de frein, je peux pas! Mais on le revoit! Non! Super bruitage, hein, ouais, les effets et tout, c'est vraiment bien fait. Hein. Mais elle s'en est sortie. Oui. Bah, j'ai reconnu, c'est ma femme au volant. Ah non, c'est pas ça. D'accord. En fait, on la salue. Oui. Si tu non, peux... non, c'est ta tante. C'est pas gentil. Le problème, c'est qu'on a le choix entre deux. Ah, attention. Et là, il n'y aura pas de. Une seule réponse. Une seule réponse est autorisée. Parce que là, quand même, il est 2h18, les points sont comptés. Alors, on réfléchit, donc on ne donne pas de réponse pour l'instant. Et voilà. Donc, si tu veux, moi, je connais quasiment tous les épisodes du quart d'heure de 15 minutes. Et ça, ça ne me dit rien. L'accident de voiture. Alors, c'est comment? C'est celui que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est Résidence Jean Lamour. Oui, c'est ça. Bravo. Effectivement. Bravo. C'est le feuilleton radiophonique des années 98. On est en 1998 là. Il l'a regardé avec amour, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais le quart d'heure de 15 minutes, c'était vraiment un grand moment. Et faudrait qu'on pense à le relancer le projet, ouais. Ouais, parce que c'était vachement marrant à faire. C'était un vrai boulot, mais c'était vachement marrant à faire. Résidence Jean Lamour, on peut mettre un peu le début du mixage? Si tu veux. Résidence Jean Lamour. Salut, c'est Florian Aubin. Mon père a construit une résidence au cœur de Nancy, j'en suis gardien. Quant aux locataires... Qu'est-ce qu'ils ont les locataires? Moi, c'est Gaëlle Durtal, je travaille dans le cinéma du quartier. Marie-Hélène Beaupréau, et je suis prof de musique. Cyril Louvier, employé de banque. Franck Dornan, étudiant et je viens de Nantes. Et moi de Metz, Jennifer Bernet. Tout le monde est là? Ah non, il manque Samuel. Voilà, j'arrive, Samuel Ride. Notre DJ, yeah! C'est parti! Moteur. Résidence Jean Lamour. Oh, doucement Gaëlle, doucement. En chasse-neige, je t'ai dit, voilà. Tiens-toi bien droite. Oui, parfait. Attention, il y a quelqu'un qui arrive. Oh, sauf qu'il peut. Tu trouves pas que le moteur fait un drôle de bruit? Bah, les bons coups de Grégoire. Oh, de toute façon, au prix où t'as payé cette voiture. En tout cas, j'aurais des choses à raconter à Marie-Hélène. Voilà toute cette bande de jeunes dans les années 97-98 qui ont pendant deux saisons, hein, il y a eu Résidence Jean Lamour et l'année suivante, les coulisses de l'audace, vraiment deux saisons, on a énormément déliré sur cette belle petite histoire d'être belle équipe qui après, quelques années après, a poursuivi l'histoire dans le quart d'heure de 15 minutes où ça ne se suivait plus mais c'était des unitaires, voilà le quart d'heure de 15 minutes. Voilà, on continue, donc là on en est à 8. Pour les vainqueurs et 6 pour les MSF. Deux petits points qu'il faudra rattraper avant un quart d'heure, puisqu'après il y aura le final. Alors le final, c'est un mix. C'est un mix qui départagera donc les trois équipiers avec un mix musical, hommage au Hot 40. Il y aura 20 titres à découvrir et c'est celui qui en découvrira le plus. Qui rencontre, qui récupérera la timbale. C'est un blind test. Donc là, ce sera de l'individuel et on verra si le vainqueur est toujours vainqueur ou s'il se fait talonner par, par Béatrice, Fan. Si c'est les vainqueurs qui sont là ou si, bien sûr, les MSF reviennent sur le devant de la scène. Une question, allez, une question quotidienne. Allez, hop, je ne sais plus où sont mes feuilles, ils sont là. Voilà, Manon. Là, on la 5, dis voir la 5 plutôt. Pourquoi ? Parce que. Quelle est la différence entre un ouragan et un. Un typhon. Un typhon et un cyclone. Moi je pense savoir. Moi je pense savoir. Il y en a qui prend sa source dans la mer, dans l'océan. C'est en fonction de la zone géographique d'où il prend effectivement naissance. Voilà. Le typhon, c'est en Asie. Alors là, tu t'avances un peu parce que là, tu quoi je sais pas, je peux pas te dire. L'ouragan, ça doit être. L'ouragan, c'est dans nos régions et donc le cyclone, c'est du côté américain. Oui. L'ouragan, c'est dans la chambre de ma fille quand elle joue. Je pense. Donc la réponse est quoi ? Je pense que quelle est la différence entre un ouragan, un typhon et un cyclone ? À l'origine de l'océan. Voilà, donc il n'y en a pas. C'est la même chose, mais ça dépend du lieu, effectivement, tout à fait. Le typhon, c'est dans le Pacifique. Le cyclone, c'est dans l'océan Indien et tout ce qui est ouragan, c'est plutôt le continent américain et nos côtes. Très belle réponse. C'était pas facile. Un point de plus donc pour les MSF. On continue. Une question Fadjet avec la question 14 pour mon technicien favori. On la sent bien celle-là. À 12h23. Question 14. De quel générique s'agit-il ? Je pensais que ça pourrait être simple pour Swan ou Francis. C'est l'émission de Fadjet ? Oui. Je pense que Steve a peut-être la réponse. Non, attention. Je dis que ça peut se jouer là. Peut-être que les vainqueurs ne seront plus. Ah, là, là, là. Est-ce que là, je les ai sentis Francis, qui est en train de regarder la grille des programmes pour s'aider. Je les ai sentis un petit peu. Ils se sont regardés comme ça. Ils ont dit oula, c'est moins bon. Attention, allez, allez. Et là, les vainqueurs, on l'apprécie. On peut réécouter. Allez, si tu veux, mais très rapidement. Ça va tout changer, tu vois. Parce que là, faut pas jouer la montre non plus. On ne fait pas un. Non. Allez, une réponse, sinon ça passe. On passe à l'équipe adverse. Alors, le rayon de la citrouille. La citrouille cosmique. Non, ce n'est pas ça. Attention, on passe de l'autre côté. c'était. Depuis tout à l'heure, il fait le malin à côté. Moi, je me dis, c'est juste, tout, il va répondre. C'est juste que je me suis dit que. C'est de la guerre psychologique. Que j'ai oui, bien raison. Ah, oui. J'ai bien vu chez eux qu'ils. Ah oui, oui. Pas. Alors là, moi, j'en sais pas plus. C'est, plus c'est une émission qui passe quel jour non, c'est passé, une émission. Elle passait. C'est pas une émission. Est-ce qu'elle est toujours à l'antenne ? Si. Elle est toujours à l'antenne. Effectivement. C'est le samedi. Et ça fait. Elle a plus de 10 ans. Plus de 10 ans, si elle a plus de 10 ans. Ah bah oui, que je suis bête. Bah oui. Mais attends, tu joues pas, toi, je te rappelle, tu joues pas. On en a parlé, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. J'en ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure quand ? Bah au début. De cette émission ? De cette émission-là. Ouais. L'après-midi. Ouais, non, mais de toute façon, vous ne trouverez pas là. Hein. Non, mais je pense qu'on le sait pas et c'est pas bien. C'est l'émission Électrophone. Eh oui, il y a plus de 10 ans le samedi, c'est à 19h, je crois. Et ça, c'est son générique actuel ? C'est son générique. Oui, oui. C'est son générique électrophone. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, mais je ne sais pas que c'était ça. Et Électrophone, c'est tout à l'heure, hier, qui a fait le live. Ah là là là là. Non, mais c'est pas grave. Il faut dire, j'écoute. Excellente émission. Ah non, mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez pas obligé de connaître toutes les émissions, toute la grille. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'il change le nom de son émission. Merde. Mange 10. Vous pouvez faire ça. Électrophone. Radio cassette. Olivier fait quelque chose. On lui dira, Olivier. Ouais. On les salue, on les aime bien. On les aime bien. Et d'ailleurs, ils ont fait une super émission de live hier. Oui, c'était bien. Bon, même s'ils ont un peu égratigné la fin de l'extrait qui devait passer. Oui, ils n'ont pas diffusé l'intégrale, hein, c'est pas bien. Donc, alors, c'est pas grave, voilà. On continue, donc ça n'a pas bougé. Hein. Sous Hélène, on est toujours au même score. Et là, on va passer. Allez, c'est pour nous, là. Allez, allez. On va passer à la Q9. La Q9. La Q9. Et de quelle émission s'agit-il ? On écoute. J'ai l'impression d'être à la régie de D8. Non, mais c'est Q9. Combien ça fait d'années que tu es technicien ? Tu disais 14 ans, c'est ça ? Non, mais là, en fait, je fais un stage pour intégrer l'équipe de Baba. Donc là, je pense que d'accord, je vais y aller tout de suite. Envoie la Q9. Ah, ça envoie. Non. Oui, donc je pense que c'est le jeu le plus attendu de cette fin d'année. Je pense que personne ne me contredira. Bah, surtout pas moi. Non. Donc, je vais vous faire un petit topo. Hein. Donc, la filière, enfin, Battlefront, il y en a eu deux avant. D'accord. Le dernier date d'il y a 9 ans. Ah ouais, donc c'est, en fait, Star Wars, quand ils sortent des trucs, ils font bien languir leur public, tu vois. Donc, et depuis, pas mal de choses ont changé. Mickey est arrivé à racheter LucasArts. Ah ouais, d'accord. Hein. Et alors quand tu dis Mickey, c'est Disneyland. Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas Disneyland, c'est Disney tout court. Disney tout court. Ouais. Donc ils ont donc racheté LucasArts et le développement du jeu a été confié à Electronic Arts. D'accord. Avant c'était LucasArts qui faisait eux-mêmes les jeux en fait. Donc ça permet quand même une qualité de jeu augmentée, j'imagine. Je pense, ouais. Même s'ils ont pas fait que des bons jeux Electronic Arts, mais bon, je pense que ça, il y a un minimum de qualité quand même. Ok, ça marche. Donc le jeu ne reprend pas le film qui va sortir. Ok. Il reprend en fait la première trilogie Star Wars. D'accord. Le 4, le 5 et le 6. Alors, de quelle émission s'agit-il ? Bah si, il y en avait une, mais il y a longtemps. Il y a très longtemps. Non ? C'est une émission actuelle. Jeux vidéo ? Ah, c'est une émission actuelle, qui est un peu plus actuelle. Elle date de la semaine. Oh mince. Bon. Donc c'est une émission de jeux vidéo, ça on l'a compris. Oui. Alors par contre, non, enfin, non. De... Enfin, c'est une... pas, oui. Que pas que. Enfin, non. De tout ce qui est en lien. Comment ça s'appelle tout ce qui est en lien avec. Vous n'avez pas reconnu les voix ? Si. Moi je les ai reconnues. Enfin, j'en ai reconnu une surtout. Voilà, donc. Je l'ai reconnu. Donc si tu reconnais la voix, tu peux reconnaître l'émission. C'est tout. Ah. Je ne dis pas plus. Non, mais il faut le nom de l'émission. Oui, ben voilà. Ah, oui. Voilà, mais alors. Oui, ben là, je sèche. Ah là non, là, c'est pas forcément une émission de jeux vidéo. En fait. Ah, non, c'est pas une émission. C'est une chronique. C'est une chronique jeux vidéo. Ah, c'est une chronique vidéo. Il peut y en avoir partout des chroniques vidéo, mais ouais, c'est ça. C'est là et tu. Ah, voilà. Dans la matinale, le matin. Ça peut être la matinale. C'est le menu étudiant. Ah, bon, voilà, c'est okay. Évidemment. Ah, d'accord, ah, oui. J'étais focalisé sur le contenu. Il fallait écouter les voix, en fait. Voilà, d'accord. Donc c'était effectivement, parce qu'il y a une chronique. C'était Flo, c'était Florent et Julien. C'était la matinale, parce que Julien, je connaissais la matinale. Il est aussi la matinale. J'ai entendu Flo, j'ai compris. Ouais, voilà. Le Flo ne se lève pas le matin. Oui, c'est vrai. Il vient d'arriver là, juste avant. Voilà. D'accord. Donc Julien très technique, hein, très technique en jeu vidéo là. C'était voilà. Et si vous avez écouté la suite, c'était encore plus précis. Donc un spécialiste. C'est bon, donc un point de plus. Sous Hélène, on en est à égalité avec 8-8. Et bien voilà. Ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. C'est-à-dire que ça valait 2 points la question là ? Non, mais c'est-à-dire qu'avant vous n'avez pas répondu et puis nous on a répondu. Bah, il y avait 2 points d'écart. Non, mais c'est parce qu'il y avait un tour d'avance. C'était toujours non, mais le score. Il jouait en premier. C'est vrai, c'est vrai, il a raison. Ouais, donc là, effectivement. Oh. C'est là que j'ai commencé le premier. Exactement. Oui. Allez, une question. Une question. Ah, une question un peu grosse tête. Qui a dit ? Qui a dit ? C'est pour celle-là. C'est pour tout le monde. Mylène Farmer. C'est pour qui ? C'est pour donc les vainqueurs. On continue là. Qui a dit je n'ai pas beaucoup appris le français, même si je le maîtrise de plus en plus, c'est encore compliqué de s'exprimer. Chez moi, on parle catalan et un français un peu à nous. Ah. Qui a dit cela ? Franck Ribéry ! Ça aurait pu être Franck Ribéry. Merci. Ouais, mais il est pas catalan, lui. Pas trop catalan. Je n'ai pas beaucoup appris le français, même si je le maîtrise de plus en plus. C'est encore compliqué de s'exprimer. Chez moi, on parle catalan et un français un peu à nous. Alors moi je sais pas pourquoi mais ça me fait penser que Manuel Valls il est d'origine espagnole, ça, il serait pas catalan par hasard? Ouais. Ouais bah on va dire que c'est lui alors. Bonne réponse. C'est ça. Il est dégoûté. Je crois qu'il est dégoûté Benoît. Non mais je demande juste peut-être est-ce que l'équipe des MSF aurait une idée? Bah moi j'avais pensé aussi à Manuel Valls oui. Mais voilà. Ça, je trouve que c'est chez nous on a c'est pas français. C'est quand même excellent. Pauvre Benoît, on est en train de lui foutre en l'air son émission. Ah non non, mais je trouve ça très drôle. Je trouve ça très très drôle. Parce que c'est pas du tout. Il est quand même premier ministre donc il parle français. C'est allez, une deuxième chance. Alors, oui, déjà. Non, mais alors, une chance. Je n'ai pas beaucoup appris le français. Même si je le maîtrise de plus en plus, c'est encore compliqué de s'exprimer. Chez moi, on parle le catalan et un français un peu. Enfin, non. Un français un peu à nous. C'est une femme. Oui. Non, c'est un homme. C'est Linda de Souza. Non, c'est non, quelqu'un aussi qui est dans l'actualité, qui est. Voilà, bon, peut-être pas trop de notre génération à nous, qui sommes tous. Peut-être pas forcément fan de lui, mais. Il est chanteur. Mais c'est. Francis Cabrel. Non, mais. Ce serait plutôt. Comment il s'appelle c'est Ricardo, là. Attends. Ah oui. Ah, c'est Kenji. Kenji Girac. C'est Kenji Girac. Alors, il parle comme ça, Kenji. Comment bah, c'est vrai. Je n'ai pas appelé le catalan. Non, mais oui. Non, il est français. Salut, c'est Kenji. Donc là, ça fait un point ou pas? Parce que c'était pour eux. Eh ben oui, et là, sous Hélène, on est à combien là? Ah ah, bah là, on a changé. C'est et plus oui, les vainqueurs oui, qui sont sûr. En tête, c'est les MSF avec 9 points. Bravo. Ah là, attention, là, et on arrive bientôt à la fin. Hein. Il faut aller encore jusqu'à 35, et à 35, il faudra vraiment qu'on. Allez, encore une ou deux questions. Allez. Oui, alors, attends, François doit aller chez le boucher. Oui, alors. Mais au pire, François, tu pourras donner si jamais tu passes le second cap. Tu pourras peut-être négocier avec un autre, avec un vainqueur. Tiens, mais si tu veux, on peut demander Fabienne, est-ce qu'on peut appeler le boucher? Moi, je. Oui. On a tellement fait de choses. J'ai appelé avant. Là. C'est le boucher. Non, mais t'as pas vu, mais il est sorti discrètement. On va faire un appel. On aurait pu le faire en direct, François. On appelle le boucher. Il y a aucun souci. Moi, je peux le faire aussi. Appelle le boucher. Et donc, on mange quoi, François? Alors. Oui, parce que c'est vrai. La poêle lorraine. Elle nous attend en bas, c'est ça? Donc, la recette de la poêle lorraine sur Radio Fadjet en direct. Non, c'est bon ça. Allez, on continue. Alors, c'est une question, maintenant, on en est où? On revient à vous, puisque vous leur avez passé le tour. Allez, ça, c'est la question numéro 4, s'il te plaît, Laurent. Q4. La Q4, voilà. Tout le monde suit, c'est magnifique. Mais je pense que Laurent écrit question avec un K, c'est pour ça. Oui, voilà. C'est la K4 pour toi, Laurent. Ça fait ça. Alors, attention, c'est une virgule. Alors, je tiens à signaler que j'ai trouvé la Q4R. Oui, mais là, je veux la Q4. Ouais, hein. Voilà, la Q4. Et je voudrais signaler à Benoît, enfin demander à Benoît, est-ce que je peux, à la fin de l'émission, me l'encadrer, me servir de poster de mais c'est vrai, non, mais question. Mais tu... Non, c'est juste une question, parce que je pourrais choisir le cadre dès maintenant. Allez, c'est promis, choisis-en une après, Laurent. C'est vrai, des questions plus ou moins de 30, mais c'est vrai que le temps passe très vite. Hein. En fait, je pourrais faire une heure de plus. Hein, ah bah, voilà. Avec allez, on écoute la question 4. De quelle virgule s'agit-il? Faut être très très précis. Attention, on y va. Je sais, c'est. Attention, il faut être très précis. Hein. Le point route. Effectivement, le point route de. De la matinale. De la matinale. 94-2 service compris. Non, on a un ancien coordinateur dans l'équipe. Ah oui, bah. Il y en avait plusieurs, ça aurait pu être la météo, ça aurait pu être... Et d'ailleurs, pas, hein, je signale que monsieur... je cherche les prénoms. Monsieur Jean-Luc. Que monsieur Jean-Luc nous a gratifié de virgule le point route l'an dernier. Ça, faut le ressortir. Le jingle point route. C'est ça, le jingle. Ça, je vous conseille, avant la fin de cette 30 heures, de sortir ce petit... Ah ouais, oui, mais là, t'en demandes beaucoup à Laurent, quand même. Parce que il y a déjà la Q40 qui arrive. Il pourra nous ressortir. Je voudrais quand même souligner que j'ai trouvé une Q4R et qu'apparemment, on s'en servira pas. Mais si, on peut écouter. Mais vas-y, envoie la réponse. En fait, je voudrais savoir, est-ce que j'ai coulé le porte-avions ou pas? envoie la réponse, Laurent. Envoie la réponse. Alors, la réponse. Sa réponse, la voici. La circulation. C'est même pas point route, oui, c'est la circulation. Souvent, oui. Ils se disent le point route en lien avec. Oui, bah, voilà, c'est ça. C'est bizarre d'ailleurs de dire la circulation. C'est quand même. Parce que ça pourrait être la sanguine, on sait pas. C'est vrai. Bah, c'est surtout les embouteillages plutôt. Voilà. Oui, c'est vrai. La circulation sanguine. Donc, un point de plus pour les MSF. Laurent, une question. Ah. Vas-y, une question à moi. Voilà. Plus ou moins 30. Alors, t'as le choix. Hein. T'es pas obligé de prendre la suivante. Alors, écoute, j'ai choisi. Vu le temps qui m'est donné, j'ai choisi celle que je préfère. Voilà. Alors, en quelle année Bill Clinton a été élu le 47e président des États-Unis? Alors, plus ou moins de 30 ans. Ah, oh, bah. Oui. Bah, moi, c'est pour les. Oui, moins de 30 ans. Moins. Ah, Clinton, il a été élu. Obama, 4 ans chacun, ça fait pas 30. Hein. Moins de 30 ans. Il a été élu 47e président des États-Unis le 3 novembre 1992. Ah, bah oui, c'est ça. C'est bien, moins de 30 ans, un point de plus. Et tu penses à ta grand-mère, évidemment, en parlant de Bill Clinton. C'est pour ça que je l'ai choisi. Un point de plus. Allez, une petite question rapide, haute 40, sous Hélène. Ou une comme ça aussi, oui, t'as raison. Alors, une chanson avec monde. Le mot monde dans le titre de la chanson ou dans la chanson? Dans la chanson. Ah bah, ou le titre. Oui, hein. Le titre. Un autre monde de. De t'as même pas mis de. Comment elle s'appelle Oui, téléphone, voilà, je cherche. Jean-Louis Aubert, oui, bah c'est. Oui, bah téléphone. À ne pas confondre avec électrophone. Voilà. C'est pas, bravo, bravo. Là, je crois que. On est à combien? Alors, on est pour les vainqueurs à 9 et MSF à 11. 9, 11. Allez, encore une petite question. Allez, vas-y, Manon. Fadjet fête ses 30 ans, mais le film d'animation fête aussi son anniversaire. Lequel? Voilà, il y a un film d'animation qui fête aussi ses 30 ans. Ah oui? Un film connu, un dessin animé connu. Film d'animation. Sur Pixar, quoi. Ah. Film d'animation. Voilà, les MSF sont en train de vous mettre la. 30 ans. Une pression. 30 ans, c'est. Je pense que Michael a trouvé la réponse. Oh, c'est Bambi, c'est sûr. Ah, c'était pas un film d'animation, Bambi, peut-être. Non. Non, je sais pas, non, je sais pas, je dis Pixar pour les aider, mais. Non, mais Pixar, c'est l'éditeur. Non, ça peut pas être. Bah, je sais non, pas. Il y a 30 ans, c'était Walt Disney. Quoi. Oui, bah ouais. Walt Disney, Pixar est arrivé après. Mm. C'était obligé, parce que c'était 85 à 30 ans. Donc, ouais. Il a 20 ans, le dessin animé. Il a 20, pas 30 ans. Fête aussi son anniversaire. Pas forcément les 30, 20 ans. C'est 20 ans. Oui, c'est 20 ans. Il y a un dessin animé qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Ah bah alors ça pourrait être un Pixar. Oui, c'est parce que c'est. Dans ce cas, ça pourrait être un Pixar. Effectivement. On est juste avant Noël. Si c'est jour pour jour, ça sent genre Toy Story. Disney Noël. C'est ça. Effectivement, bravo Francis. C'est effectivement le premier. C'était le premier en plus. Le premier film d'animation. Bravo, bravo Francis. Le cowboy. Woody. J'hésitais, puis il a parlé de Noël. Alors j'ai pensé au jouet. Alors hop, c'est parti. Bah c'est bon, ça. Nickel. Bah tu oui, je suis désolé. Bah je. Bah oui. Je... Oh, les équipes. Parce que j'avais que ça comme dans tête de toute façon. Sur celui qui balance des infos et le tu veux aller chez le boucher. Oui. Et puis moi je connais aussi Sex Toy Story. Oh là là. Alors celle-là, allez, je le connais pas. Allez, 39. Encore deux questions. Oui. Tu nous en choisis, tu nous en prépares une après la mienne et après on compte les points. Alors c'est l'actualité aussi, il est sorti il y a pas longtemps le nouveau James Bond. Alors je ne vais pas vous demander, je vais pas vous demander quel est le titre du dernier James Bond, hein, vous facilement Spectre évidemment. Mais que signifie le matricule de James Bond? Quoi, le 007? Oui. Ah. C'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour eux. C'est pour nous. Matricule au MI5 à Londres. Alors oui. 007. C'est ça. C'est son numéro. Moi, c'est mon adresse internet, personnellement. Hein. C'est son numéro dans l'ordre des agents. Alors, ça, c'est le 7. Il est le 7e. Voilà. Il est le double 0. Alors, pourquoi double 0? Alors, le premier 0, c'est pour. Qu'est-ce qu'il a Il est agent double, enfin, c'est genre un truc. Homme-femme? Non. Enfin, le premier 0, ça veut dire quoi? Il aurait pu s'appeler 7. Oui, je suis 7. Ouais. Ouais. Mais il est un peu plus que 7. Ça fait plus doux. 007. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? De tuer, le permis de tuer. Donc, le premier 0, c'est son permis de tuer. Ah bon? Et le deuxième 0? Permis de conduire. C'est vrai que c'est mieux. Ça veut dire que ça veut dire quoi? Il a un permis de tuer, puis après, c'est qui c'est? D'inhumer. D'inhumer. Un permis d'inhumer. Ça veut dire, non, mais ça veut dire qu'il a. Pan, il a un permis de tuer. Donc ça veut dire que le deuxième zéro, c'est qu'il a. Tué. Qu'il a tué. Ah, donc le premier zéro, c'est son permis de tuer. Il a le droit de tuer. Ah, qu'il a le déjà. Le deuxième zéro, c'est qu'il a déjà tué. Ah, bon. Et sept, parce que c'est le septième, voilà. Effectivement, agent. Voilà. Et il y en avait au total neuf. Ah, bah peut-être. Ouais. Voilà, donc c'est. Voilà, il n'y a que 9 agents qui ont le permis et qui ont tué, donc c'est ça que tu veux dire. 009. Il y en avait 9 en tout dans le EMI. Ah ouais, le EMI 5. Fait, on voilà. parle de 009 qui devrait intervenir dans les prochaines séries. Il ne faut pas le dire. Attends, on ne l'a pas vu encore. J'ai vu cet après-midi. C'est une bonne réponse ou une mauvaise? Alors c'est quoi, sous Hélène, c'est quoi? C'est une réponse quoi? Oui, on accorde. On accorde. Presque Benoît qui vient de donner. Oui, c'est ça. Il joue avec nous. À moitié, ouais, c'est un demi. Moi, je mettrais la moitié. Ah bon? C'est compliqué. Un demi point. Non, il faut que je m'en aille, le boucher m'attend. Allez, dernière question et après on fait les totos. C'est notre technicien adoré qui pose la dernière question. Il a une pression énorme. Alors attention, la question est spéciale. On va sortir des sentiers battus puisque lequel de ces événements n'a pas eu lieu en 1985? Depuis hier 9h, on fête les 30 ans de Fadjet. Donc l'année 1985, c'est le point de départ de Fadjet. Au cours de l'année 85, lequel de ces événements n'a pas, donc, ouais. n'est pas intervenu au cours de cette année-là, 85. Le premier événement, c'est la disparition de Philippe de Dieuleveux, Philippe de Dieuleveux, je ne dis pas l'année. Prost devient le premier Français champion du monde de F1. La cinquième chaîne, première chaîne privée de France, donc la 5 des années 80, est confiée à Robert Hersan et Silvio Berlusconi. Et attention, dernier événement, sortie du film Le Grand Bleu de Luc Besson. Lequel de ces événements n'est pas intervenu en 1985? C'est à qui? C'est à vous. C'est à Francis, Béatrice et Swan. J'hésite entre plusieurs choses, parce que la cinquième peut-être. Ouais, je pensais à ça. Ouais, je pensais à la cinquième. Mais Le Grand Bleu, j'hésite aussi. Donc voilà. Mais, ouais, allez, je dirais la cinquième. La cinquième, Francis, ouais, Béatrice, vous êtes d'accord? Vous validez la cinquième chaîne confiée. Alors, est-ce que, par exemple, est-ce que les MSF seraient d'accord? Non, c'est pas ça, c'est pas la bonne réponse. C'est non. pas la bonne réponse. Et vous, vous auriez dit quoi? Le Grand Bleu. Oui, moi aussi, le Grand Bleu. 88. 88, le Grand Bleu. Alors, la disparition de Philippe de Dieuleveux est intervenue le 6 août 1985. Donc, c'était bon. Prost devient le premier champion du monde de F1 le 6 octobre 1985. Attention. La cinquième chaîne, première chaîne privée de France, est confiée à Robert Hersan et Silvio Berlusconi le 20 novembre 1985. Le Grand Bleu est sorti le 11 mai 1987. Et donc, il n'y a pas photo. Sous Hélène a fait les totos, mais là, je pense que... Même si on avait répondu, c'était pas gagné. Non, il manque un demi-point encore. C'est une question d'avance en plus. Hein, c'est vous qui avez répondu, du coup. Oui. Donc, on est à 12,5 pour les MSF et 10... Oui, il y a le demi-point. Et 10 pour les vainqueurs. Bravo, bravo, bravo. Et donc, les vainqueurs ont perdu. De toute façon, comme à Fadjet, on ne fait jamais les choses normalement, on va dire. Il y a toujours quelque chose. Et bien là, ce sont les vainqueurs qui ont perdu. Et donc, les MSF qui ont gagné. Alors maintenant, c'est normal. Alors, François s'en va. Un dernier. Oui. Mais je pense que le boucher nous écoute. Oui. Monsieur le boucher, il est où le boucher? Rue du Mont-Désert, la boucherie du Mont-Désert. Attendez encore un petit peu parce que là, François peut gagner la timbale. Ah oui. Et là, on va écouter. Donc, vous prenez tous un papier, un crayon, ça peut vous être utile. Ah bon? Enfin, ceux qui ont gagné. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, je suis désolé, Francis. Et donc, tu me prépares le petit. Alors, j'ai Marc Lavoine, Paris, karaoké, non? Le. La musique, il doit avoir un truc. Oui. Alors j'ai générique, le mix. Le mix, voilà, c'est ça. Le mix Hot 40. Voilà, c'est ça. Le mix Hot 40. Donc voilà, pendant 3 minutes 30, vous allez entendre 20 titres. Alors il y en a qu'on n'entend pas beaucoup, hein. Donc voilà. C'est, il faut noter au fur et à mesure. Alors ne copiez pas, hein, puisque là c'est du individuel. Hein. Oui, bah d'accord. Hein. Comme à l'école. Tu regardes pas. Donc qui de François, Michael ou Steve va remporter la timbale. On écoute, il y a 20 titres à découvrir. Hot 40. Fadjet. Hello, it's me. T'attendre et je sais qu'un jour il te faudra partir. When it all falls, when it all falls down, I'll be your fire when the lights go out. When there's no one, no one else around, we'll be two souls in a ghost town. Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle. Affoler les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingles. Voilà, 20 titres du Hot 40 de ces dernières semaines. Alors, Sue Ellen ramasse les copies. Et on va savoir dans quelques instants qui a, Ils sont où, les vraies chansons sont où ? Ah bah, c'est le classement, c'est ce qui se vend le plus. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais c'est l'actualité. Il faut être jeune, il paraît. Hein. On est peut-être plus dans la cible. Hein. Qui a réalisé ce mix ? Il est très bien. C'est moi. C'est vrai ? C'est moi. Oui, il est très bien. Non, mais je ne veux pas influencer du tout. Le choix ? Oui. Ah oui, non, mais c'est un hommage, un hommage au classement du Hot 40. Et tous ces titres-là ont été classés dans le classement de ces derniers mois. Alors, je vous le dis rapidement, il y avait Black M, Adèle, Calogero avec Un jour au mes endroits, Maria Carré avec All I Want Is Christmas, Ellie Goulding, Love Me Like You Do, tiré de 71 degrés, M. Pokora, Je Danse, Christine and the Queen, Saint Claude, le fameux Kenji. Ah, je l'ai mis. Je sais pas où je l'ai mis, mais je l'ai mis quelque part. Parce que après, il faut aussi savoir comment ça se mélangeait. Je sais plus si c'est la 12, la 13. Archimède avec Julia, un très bon groupe de pop. Personnellement, j'aime bien. Madonna, Ghost Town, Zaz, Justin Bieber, Carly Rae Jepsen, Louane avec Je vais t'aimer. Ah, Louane. Enrique Iglesias, Madeline Bailey. Pour Titanium, alors là on arrive dans les derniers titres, les gros tubes, The Weeknd, Can't Feel My Face, Félix Jen, le tube de l'été avec Ain't Nobody, Maître Gims, Laissez Passer, et Sam Smith, la BO du dernier James Bond, I'm Writing on the Wall. Alors, en attendant, pendant que Swellen fait les totos, j'aimerais quand même, parce que les émissions de l'Académie se terminent toujours en chansons, et j'aimerais que on rend un autre manière un petit hommage aux événements du week-end dernier en chantant ensemble cette chanson, cette très belle chanson de Marc Lavoine, Paris, extrait de son album du même nom, Marc Lavoine, qui datait de 2001. Allez, on chante ensemble, et après Sue Ellen nous annonce le vainqueur de cette académie. On dit au revoir à François qui veut absolument aller chez le boucher, et on dit bonjour au boucher. Marc Lavoine, Paris, et puis tout de suite après, ben, on se dira au revoir, parce que c'est pas fini, on passe à l'année après 2013. Voilà. Alors, on y va. Par contre, sans vouloir perturber les choses, le mec en régie vous signale que quand je vais couper les micros, Béatrice n'aura pas la musique. Ah, donc faut lui donner d'accord. La musique. Voilà. Allez, c'est parti. C'est pour ça. Moi, je fais les chœurs. Hein. Je suis pas sûr de la connaître. Je suis bien tout seul. Je marche dans tes rues qui marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs, même un peu trop. Je rêve dans les bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta scène sous tes ponts, ta rengaine, toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, si t'es belle en pleine nuit. Je bise dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot. Mickaël, on t'entend pas. Hein. Oui, oui. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel. Au moins, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien ? Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien ? Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tenu. Paris, Paris, perdu. Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Dans tes bras, sur tes quais, y'a de la joie et des loups dans tes bois. je me glisse dans tes cinés, je me perds dans ton quartier, je n'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air. Et moi de quoi j'ai l'air? Paris, Paris, combien? Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien? Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tenu. Paris, Paris, perdu. Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Voilà, merci, on peut s'applaudir. Merci à vous. Merci à vous. Cette belle chanson hommage, et bien c'est sur ces mots que l'on va quitter nos deux heures d'académie. Sous Hélène, qui a gagné? Dis-moi qu'il n'y a pas d'ex-écho. Yeah. Ah mais ça aurait pu, hein, ça suit. Ah, ça suit. Bah, tout suit. Oh bah. Tout se suit. Il y a un premier, un deuxième, un troisième. Oui. Tout oui. à fait. On va commencer avec le troisième, c'est François, 6 points. Bravo François, il est bien touché le boucher. Il est en train de payer là. Ensuite, donc ça se joue forcément entre Steve ou Michael. Il y en a un qui a 7, l'autre qui a 8. Donc c'était vraiment coude à coude. Et c'est Michael qui a gagné. Ah. Bravo, Michael. C'est un honneur, alors là pour le coup. Et c'est donc Michael qui remporte la timbale, qui est le trentenaire de cette Académie Fadjet, qui remporte ce jeu. Merci, merci à vous tous de votre participation. Ça m'a fait énormément de plaisir de retrouver cette ambiance de jeu sur les ondes de Fadjet. Merci. Il faut partager. Il y a une paire de carambars. Ah oui, non, mais il ne faut pas garder tout pour toi. Voilà une boîte remplie de carambars pour Michael. Ah oui, là il y a de quoi faire là. Les 30 heures de direct continuent maintenant avec l'année 2013. François va arriver dans quelques instants. Et puis, on va se quitter avec une autre chanson de Lilian Renaud, juste pour faire la petite liaison et pour accueillir François qui va nous parler de l'année 2013. Et donc, on se retrouve, nous, très vite sur Fadjet. Merci de votre fidélité depuis tant d'années. Et à très vite. Et quand tu veux, tu reprends ton émission à l'Académie. Oui, Fadjet, oui, quand oui. tu veux. C'est oui, clair, oui. On y pensera. Oui. Oui. C'est pas un 8 francs. Si, si, si. Mais non, parce que hier, quand je lui ai envoyé le message, le numéro 2, c'est quand il m'a dit bonne nuit, je vais me coucher. Donc, voilà. Allez. Par contre, tu as annoncé un truc là. Non, bah, de toute façon, on n'a pas le temps. Ah bon? Et François piétine d'impatience. François, d'ailleurs, il peut rentrer. Il est pas loin, François. Viens ici, François. Allez, dans quelques instants, tu vas prendre la suite de ces 30 heures avec l'année 2013. Et puis ensuite, il y aura 2014. Et puis, nous serons dans l'année en cours 2015 pour terminer ces 30 heures d'ondes solidaires, ces 30 heures de direct. François, eh bien, c'est à toi dans une petite minute. Merci à vous de votre attention et à très vite sur les ondes de Fadjet. Oui, on va attendre un tout petit peu avant de démarrer l'émission. On va écouter un titre très rapidement, c'est Lilian Renaud, Premier Juré. On vient de navire en pilon avant de toucher le rivage. On vient de soupir de avant de guérir nos visages, l'adversité écorche nos rêves, qui trace nos parcours, notre histoire. Et pour